Écoute, Tonton Juju, c'est moi. Salut Axel, ça va? Tu vas bien? Ouais, je vais bien, et toi? Bah écoute, ça va. Ouais, vous allez faire une émission. Ouais. Et on sait pas encore de quoi on va parler. Ah, je parie que vous avez parlé de jeux vidéo. Ah, je sais pas, ouais, à mon avis aussi, ouais. Je pense qu'on va parler de jeux vidéo, ouais. Je pense aussi. Brocast épisode 15. Alors Brocast, c'est le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et qui besognent dans ce milieu aussi passionnant qu'impitoyable. Le premier bro, c'est moi, Bruno, alias chez Bruno sur Twitter. Quant au deuxième, c'est Julien, fondateur du studio Storybird Games, que l'on peut retrouver sous le pseudo de Forza Pedro sur Twitter. Alors Juju, comment ça va? Ça va. Toujours pas comme d'hab, toujours blindé de boulot, mais un petit peu moins quand même. Contrairement à la dernière fois où on avait dit que c'était compliqué de trouver du temps pour enregistrer, c'était à cause de Guns of Mercy. Voilà, on va en reparler. Donc là, on a réussi à trouver un créneau. Enfin, à cause ou grâce, j'en sais rien. Mais voilà, maintenant qu'il est sorti, j'ai un tout petit peu plus de temps. Ceci étant dit, un tout petit peu plus. Pas beaucoup quand même, quoi. D'accord. Comme d'hab, quoi. Un peu plus, mais pas beaucoup quand même. Tiens, avant qu'on attaque, j'ai oublié de te demander en off, t'as pas entendu de grésillement sur le micro, là? Non. Quand je me suis branché tout à l'heure. Non. Ok, bon, ça veut dire que c'est bon. on va rappeler rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, qu'on a des nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints sur l'épisode précédent, l'épisode 14, qui a d'ailleurs, entre parenthèses, très bien fonctionné. On vous en remercie. On parlait du dernier Resident Evil et du dernier Zelda. Donc, on rappelle quand même brièvement le principe. Hein, bon, Brocast, on vous invite à vous asseoir à notre table virtuelle, comme si vous étiez dans le rad du coin ou chez vous en train de parler avec des potes jeux vidéo, voilà, en toute simplicité. Et aujourd'hui, enfin, pour cet épisode 15, vraiment, le sujet, il est pas vraiment établi, quoi. Alors, ici, il est établi, justement, là, on... Ouais, mais c'est quand même... Plus que jamais, on colle à la... C'est mode apéro, quoi. Au principe, vraiment, de l'émission. C'est, on a envie de parler de quelque chose, et on sait pas si ça va le faire, donc vous nous le direz. On vous en parlera après. Enfin, de toute façon, là, à la fin de l'émission, si ça a bien matché, ce sera dans le titre du podcast. Donc, alors, Gameblog, merde ou pas merde? Non, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on refasse notre tout premier numéro, le numéro 0. On parlait de nos goûts en matière de presse JV. Ouais. Et ce serait bien de refaire un petit point. Bah, de toute façon, on va en faire un mini, puisqu'on va parler de Game Cult tout à l'heure, du nouveau Game Cult. Mais surtout... On va parler donc de... Et ça, donc, voilà, vous voyez dans le titre de l'émission. Même si là, au moment où on enregistre, j'ai pas encore décidé du titre exactement. Mais voilà, on va parler un peu de Guns of Mercy, mais sans faire de l'auto-promo pour Julien. Non, c'est pas le but, parce qu'en fait, on va pas vraiment parler du jeu. Voilà, parce que d'une, moi, je ne travaille plus pour Storybird Games, comme vous le savez, enfin, si vous avez écouté la dernière émission. Et deux, le but est pas de parler du jeu de Julien et de Romain pendant deux heures. C'est surtout, derrière ça, de parler du traitement... par les médias français, du jeu vidéo indé français, mais surtout du jeu mobile. Pourquoi il est encore considéré, hélas, j'ai l'impression, par des jeux de seconde zone, enfin, c'est totalement injuste. On va en parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce sera en toute décontraction. Mais attention, toute décontraction, ça veut pas dire que on bâcle la chose, puisque comme vous le savez, moi je passe minimum 6 heures de montage pour chaque épisode. Je pense que même par rapport à certains confrères, je passe beaucoup plus de temps au niveau des réglages son, au niveau du montage, pour que tout soit vraiment parfait. Donc il me faut à peu près 6 heures, 6-7 heures de montage à chaque fois sur chaque épisode. Mais justement, le but, c'est que ça ne se voit pas pour vos auditeurs et que vous ayez vraiment l'impression voilà, d'une discussion voilà, avec des potes comme ça que vous prendriez en cours. Avant toute chose, donc, on va. Il y a deux choses que je voulais dire, Juju. Après, je te laisserai enchaîner sur les, peut-être les petites news dont tu veux parler. Ouais. C'est que je voulais vraiment remercier Gwen Leblon. Qui donc, à travers son association Games & Co, organise tous les ans un salon rétro gaming dans le 91 en Essonne. Cette année, il a lieu à Arpajon, j'y étais, donc je voulais vraiment le remercier puisque j'ai le droit à vraiment un accueil. C'était même un. J'étais un petit peu gêné parce que c'était vraiment un accueil plein d'amour et, et d'amitié auquel on a eu le droit là-bas. Donc je voudrais vraiment le Je serais bienvenu, mais malheureusement. Voilà. Bah de toute façon, si on n'y va pas l'année prochaine, je crois qu'il met un billet sur nos têtes. Hein, de toute façon. donc il veut vraiment qu'on soit l'année prochaine. On lui fait un gros coucou parce qu'en plus c'est un auditeur fidèle de Brocast. Ouais. Il m'en a beaucoup parlé. Donc ça si, fait. Faut pas nous en vouloir, mais c'est vrai que si au niveau du boulot c'est pas possible, bah malheureusement. Bon, en tout cas, je lui ai promis qu'on ferait. Voilà, si si j'ai un créneau, je viendrai, c'est sûr. Je lui ai promis qu'on ferait tout pour. Ouais. Même si moi, c'est clair que moi je fais en sorte d'y aller. Enfin bon, on y était en famille avec Natacha puis le petit, et vraiment on était super bien accueillis. Et c'était vraiment, voilà, c'est un salon. Que, oui, voilà. Donc Axel me dit que c'est un salon pour les professionnels. Non, c'est un salon pour tout le monde, chérie. Bah oui. Donc j'en étais. Oui. C'est un salon vraiment à taille humaine, c'est ce que j'ai énormément apprécié, où loin des grosses machineries... Moi ça c'est triste, mais je peux pas, tu vois. C'est, j'ai déjà été invité dans des trucs comme ça, les gros salons, tu sais, genre Paris Manga, c'est ça ? Enfin, je sais plus. Ces gros trucs-là, j'y vais pas, hein. ça me colle des crises d'angoisse, quoi. Bah, je peux pas y aller. Y a trop de monde, je suis pas agoraphobe, mais à moitié quand même. Bah, quand on voit les gros salons de jeux vidéo qu'on a qui se sont hyper professionnalisés et qui sont maintenant même reconnus mondialement, où on a souvent des avant-premières chez nous, comme le Paris Games Week, pardon. Ouais, tu te souviens, moi j'ai carrément eu la tête qui tourne. Le Japan Expo. Je me suis senti mal, quoi, là-bas. Enfin, bon, vraiment, bah là, c'est un salon vraiment à taille humaine. Je préfère, ouais. Il y a une super ambiance, il y a des chouettes invités. Y a aussi, comment il s'appelle là comment il appelle ça ? Tu sais, c'est Age, là, le gars là, qui fait des vidéos sur... Oui. Il a un site aussi, là, Age.fr. Il fait des conventions. Il y a Florent Gorge, des fois, qui y va aussi, de tête. Je crois qu'il y a même des développeurs, de temps en temps. Il fait un truc qui s'appelle Age Convention. C'est tous les ans. Alors, c'est vraiment... c'est genre bricolé. Ouais, j'ai vu ça aussi sur... C'est du fait maison. Et moi, j'ai jamais pu y aller parce que j'ai jamais eu le temps. Mais apparemment, c'est super, quoi. Enfin, bah écoute, moi, en tout cas, pour le salon... Très rétro et tout aussi. Pour le salon Games & Co, là, j'ai vraiment apprécié puisque... Ça m'intéresse beaucoup plus, ce genre de petit salon. C'était vraiment à taille humaine. Il y avait des belles machines, il y avait des passionnés, il y avait des super invités. Il y avait notamment Philippe Dessoli, Monsieur Mister Nuts. Il y avait... il y avait la légende de la presse vidéoludique française, un HL qui était là et que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer, qui est vraiment un mec super sympa. Pas mal d'invités comme ça. Ça se voit qu'il est sympa. Oui. Voilà, et tant d'autres, hein, je suis désolé si je vous oublie. Mais vraiment, voilà, je voulais vraiment remercier donc Gwen et puis son équipe. On a vraiment été accueillis comme des princes, il est super sympa. On a passé vraiment un super moment là-bas. On peut vraiment parler, jouer, jeu rétro, mais vraiment dans une ambiance très agréable. Voilà, c'est pas assourdissant, c'est très agréable, c'est très familial. Ouais. Les machines sont accessibles, c'est à taille humaine et en même temps, ça lui demande un boulot monstre. C'est des mois et des mois et des mois et des mois de travail derrière pour monter ça. Donc, je tenais à le remercier. Il veut absolument que Brocast ait un petit stand l'année prochaine. Donc Gwen, d'accord. Si tu m'écoutes, voilà, je ferai en sorte pour que je ferai. Je ferai kidnapper Juju par un par une bande de Yugo. On essaiera de s'arranger. Mais on essaiera, de s'arranger. C'est vraiment très très sympa et voilà. Donc je tenais à le remercier encore. Attends, parce que ce sera encore Arpajon ou pas ? Je sais pas. Ça, je parce sais que pas, si c'est pas. Encore dans l'Essonne en plus, c'est vrai que c'est plus ah simple, mais ça sera en Essonne de toute façon. D'accord, parce que comme ça, ça. Voilà, je dors avec Kelly chez papa et puis voilà quoi. Donc nous on a fait l'aller-retour dans la journée parce que bah Nous, ça nous fait qu'une petite heure et demie de route. Toi, c'est vrai que ça te fait beaucoup plus. Bah, ça fait deux heures. Ouais, parce que Mont-Louis, ouais, ça fait ouais deux heures vingt quoi, à peu près. Mais bon, voilà. En tout cas, je tiens à le remercier encore. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook. Donc, c'est Association Games & Co. Allez-y. Donc, Gwen Leblon et toute son équipe, merci encore. C'était vraiment un accueil hyper chaleureux. On a vraiment apprécié. Et voilà, c'est vraiment ce genre de salon de jeux vidéo qui vous réconcilie avec les salons, justement, où il n'y a pas ce côté abrutissant, écrasant. Ouais. Voilà, non, justement, il ne faut pas trop en parler, sinon après, il y aura trop de monde et moi, je vais repartir la crise d'antacide. Mais bon, voilà, c'est tout l'inverse de l'ambiance, tu sais, sono à fond dans les oreilles et Bebs qui servent à rien. Là, c'est vraiment voilà, quelque chose de très familial, de passionné. C'est... Ah, j'ai adoré. Donc, je pouvais quand j'étais plus jeune, mais c'est plus possible. Bah, donc voilà, donc, merci encore. Et, de rien. Et je voulais aussi, donc, petite dédicace, petit coucou à Alexandre. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, il m'excusera dans le cas contraire. Alexandre Senescal. Ou Sonoscal, je ne sais pas. Alexandre Plutos, c'est bon, tu dis. Voilà, Alexandre qui est notre grand gagnant Plutos, parce qu'on a parlé d'un shoot Atari ST. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on pensait être quatre à le connaître sur cette terre. Et ouais. Apparemment, bah, ce monsieur-là, toujours sur son Atari 520 STE, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, magnifique. J'ai beaucoup d'affection pour ce jeu parce que c'est un des premiers shoots sur micro auxquels on a joué. Et on le ressortirait maintenant, il est tout pourri. Mais pour l'époque, bah, voilà, t'avais deux petits vaisseaux qui bougeaient dans l'espace, on trouvait ça génial. Donc, du coup, il gagne le brocasse d'or. Voilà, le brocasse d'or. Tiens, il faudrait qu'on invente une cérémonie à nous, tiens, avec des prix rigolos, oui, ça pourrait être sympa. Mais du coup, maintenant, il faut lancer aussi qui a déjà joué et qui connaît Moustrap maintenant. Ah, second voilà jeu. Exactement. Mais on va trouver des jeux comme ça ultra obscurs et puis on voit si les gens connaissent. Alors attends, parce que je crois que franchement j'hallucine. Hein. Quand on en a parlé sur Facebook la dernière fois, il y a eu des réactions de gens qui connaissaient. De Moustrap. Il me semble, oh ouais. Non. Alors là, le premier qui répond en commentaire sous la news de quand on postera l'épisode sur notre page Facebook ou sur Twitter, ouais, le premier qui répond, voilà, aura un brocasse d'or. Alors, entendons-nous bien, c'est un prix qui ne vaut rien du tout. C'est honorifique, mais putain, la classe, quoi. C'est ça. Hein, hein. Ah, la vache. C'est comme la Légion d'honneur, quoi. Au moins, tu vois. Oh, je ne sais pas si c'est même, au-dessus. Hein. Je pense. Hein. Enfin, en tout cas, je pense, ouais. Voilà. Vu comment on donne la Légion d'honneur comme des bonbons chez nous. Et mon pote, t'as ça sur le CV, toutes les portes s'ouvrent. Quoi ? Brocasse d'or ? Entrez ici. Je vous présente ma femme, voici bon. Une coupe de champagne. Ah, mais tu peux bosser chez Square Enix. Hein, voilà. Bien. Oh, je sais pas si c'est bien de bosser chez Square Enix en ce moment, mais. Bah, y a tout le monde se barre apparemment. Il y a plutôt des départs en ce moment, mais bon. donc voilà, c'était un petit peu voilà, les remerciements que je voulais donner pour cet épisode 15. Ouais. Toi, Juju, tu voulais peut-être faire une dédicace à quelqu'un, au postier Ah oui, à mon connard de postier qui passe son temps à laisser des avis de passage alors qu'on est là en train de le regarder dans les yeux. C'est un running gag, quoi. C'est on dirait, j'ai l'impression d'être dans un film de Ben Stiller, quoi. On est en train de bouffer, on bouffe dans la cuisine, il faut savoir que la cuisine donne vraiment sur l'extérieur où il y a notre bagnole et notre boîte aux lettres. T'as le mec qui arrive avec sa moto. Tu sais, mais sa moto, son scooter, mais éteint, tu sais. Tu sais, il avance avec, comme les petits, quoi, sur un trotteur, tu vois, du genre. Il arrive, hop, il pose un papier, il se barre, je vais voir, avis de passage. Alors, du coup, j'ai fait des recommandations, je parle sur Twitter, là, avec ceux qui s'occupent des recommandations. Hein. Et ils ont lancé une enquête, soi-disant, ils ont lancé une enquête pour choper ce postier, etc. Mais de toute façon, la prochaine fois, je le croise. Qui est enfui en ce moment. La prochaine fois que je le vois, j'ouvre ma fenêtre, je balance ce que je garde pour le compost, tu sais, de mon jardin, je balance dans la gueule, quoi. Je balance des épluchures, je crache à la gueule. Putain, si je le trouve, je lui défonce la gueule. Alors, s'il écoute Broadcast, voilà. Écoute, cher postier, si t'écoutes Broadcast, sache que je vais te défoncer la gueule si je te tombe dessus. Mais c'est énervant, quoi, le fait que les gens n'ont pas envie de bosser comme ça. Alors, je sais qu'ils ont des horaires, blablabla. J'ai quelqu'un de la famille qui bosse à la poste. Mais zéro excuse, c'est juste une bande de branleurs, basta, quoi. Il y en a quelques-uns qui essayent de bosser et ils prennent dans la gueule à cause de tous ces connards, comme d'hab, hein, comme dans toutes les boîtes. Mais le bah fait oui, de parce vraiment... qu'il y en a qui font très très bien leur travail, et certains qui bah, évidemment, sûrement. Heureusement. Heureusement, mais... Moi, j'ai de la chance, j'ai un postier adorable dans ma ville. Ah, vraiment, bah, il est génial. Bah, franchement, je peux rien dire. Et tous les mecs de Chronopass. Nous, il y a quelques gars, là, Chronopass, ça, qui sont trop cool, avec qui j'ai même sympathisé. Ah, Chronopass, c'est qui, tout doux, voilà. Soit c'est un mec super cool, soit c'est un mec qui met des avis de passage à chaque fois aussi. Ouais, mais voilà, le postier... Ça dépend. Qui, dans sa... Parce qu'il faut savoir que j'ai bossé un peu à la poste, hein, quand même. 2 jours. Vraiment, j'ai bossé 48 heures. Là. Avant que tu foutes le feu au centre de tri. Hein. Ah ouais, non, mais quand je voyais les nanas, c'était il y a longtemps. Hein. Quand je voyais les nanas prendre, tu sais, les lettres et les mettre, tu sais, devant la lampe, en fait. Pour voir ce qu'il y avait dedans. Salle. Pour voir ce qu'il y avait dedans, pour voir si c'était de l'espèce. C'était encore à l'époque des CD. Ou les CD de musique, c'était... Tu sais, il n'y avait pas les MP3 encore. C'est les clés. Ouais. Ouais, les gens MP3. S'envoyaient des CD... Les gens s'envoient des CD, etc. C'était des cadeaux, quoi, genre de grand-mère, de grand-père, des petits-enfants, blablabla. Quand je voyais les meufs ouvrir les trucs et se les garder pour elles, j'ai fait « Ok, je peux pas rester, c'est pas possible. Je peux pas. » Ça, c'est véridique. Hein. Je m'en fous. Hein. C'est pas de la diffamation, etc. parce que c'est vrai. Donc, rien à parler, quoi. J'adore cette phrase. Mais... C'est pas de la diffamation parce que c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est pareil. Regarde, quand j'avais acheté l'iPhone 3... l'iPhone 5C. Pour le boulot là. Oui, le iPhone que t'as jamais reçu là. J'achète l'iPhone 5C, il y a le mec qui arrive, je vois, il met des trucs dans la boîte aux lettres et il se barre, j'y vais, j'ai la boîte hein, d'Amazon qui est vide quoi. Vide. La boîte s'est bien remis, tu sais, il l'a bien remis à la main pour faire genre il y a un truc dedans et moi je le prends, il y a rien quoi. Il y a même pas la feuille d'Amazon, c'est de confirmation. Ouais. J'appelle Amazon qui me disent putain mais il y en a marre quoi, parce qu'en fait ils ont constamment des problèmes avec la poste. C'est constant. Quand j'ai dit que j'avais pris en photo et tout, je fais putain c'est abusé, c'est pour le boulot. Je l'ai pris avec le compte pro, tu sais, parce que je suis en premium. Je fais merde, fais chier quoi. J'en avais besoin pour le boulot en plus, genre dans la semaine quoi. C'était pour faire des tests, c'était urgent. Et ils n'ont même pas cherché à comprendre Amazon, comme quoi c'est très courant. Quoi. Ils m'ont dit « bah, c'est la poste, bon, bah, cherchez pas, allez, c'est bon, on vous en renvoie un et on lance De toute façon, moi je vois ceux qu'on a en contact sur Facebook ou ailleurs qui travaillent soit dans le jeu vidéo, soit dans la presse, soit dans l'édition ou ce que tu veux, ils ont constamment des problèmes. Et parce qu'ils ne veulent pas travailler, voilà. Ils ne veulent pas. Travailler, ils veulent être payés et rien branler. Et quand je vais à la poste, que ça soit enfin, tu sais, quand j'étais à Épinay, quand j'étais dans l'Essonne, quand j'y vais à Aubervilliers, ou quand j'étais à Tours, ou maintenant à Montlouis, ils ouvrent jamais à l'heure, ils te regardent, ça les saoule. Tu cherches un papier, ça les gonfle. Enfin, c'est bon quoi. Si c'est, va au Portugal, on va voir comment tu vas te comporter au Portugal pour trouver du taf, connard. Ouais. Bon alors, si vous aviez un doute. Si Julien était plus calme là pour cette émission, moi je crois que le doute est complètement levé. Non mais ça m'énerve parce que t'as des gens qui bossent à la poste, qui se cassent les couilles, qui font des horaires de ouf, qui ont quand même une conscience professionnelle et tout leur boulot est mis à sac quoi. Tout est saqué à cause de cette majorité de fils de p*** qui branlent que dalle, qui n'ont pas envie de bosser. Et le problème, c'est comme je disais avec le service recommandation de la Poste, je les ai un peu envoyés chez eux, je les ai insultés parce que je leur ai dit « Non mais, pouvez-vous excuser, dire que vous faites des enquêtes, etc. » J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème parce que de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Vous êtes leader, donc le marché est fermé, donc on est coincé. On ne peut pas faire autrement que de passer par ailleurs ou je ne sais pas quoi, parce que si tu passes par un coursier, ça coûte la peau du cul. C'est censé être un service public, mais il se comporte comme un service privé qui font un doigt à tout le monde. Donc, de toute façon, on est coincé, on est étranglé par la surpuissance de la Poste, comme on est étranglé par la surpuissance et l'omniprésence de la SNCF tu vois, pour les transports. De toute façon, t'es baisé, tu peux pas passer par quelqu'un d'autre, t'es niqué. Si, bah, en tout cas, si la SNCF met tous les billets, met le ticket de TGV à 200 balles, même pour faire une station, t'es baisé, tu devras payer 200 balles. Je peux pas faire autrement, tu vois. En tout cas, sache que si tu as tes 500 signatures, tu auras le droit à mon bulletin. Ah mon Dieu, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors là, putain, mais sérieux. Ah non, non, non. Mais moi, je deviens Hitler. Hein. Moi, il y a des gens qui vont être payés pour me tuer. Hein. Si je vais en politique, c'est... Mais moi, je suis pire que l'extrême droite, moi. Hein. Moi, je tue tout le monde, hein. Je tue tout le monde, je garde ma famille et mes potes et tout le reste, je bombarde. Mon programme, c'est extermination, extermination, extermination. Moi, c'est extermination de l'espèce humaine, hein, direct, quoi. C'est, moi, je garde les chats, les chiens, les oiseaux. C'est... Tiens, d'ailleurs, voilà. C'est, tu vois, je parle comme ça, on a l'impression que je suis un gros salopard et je me fais engueuler par Kelly parce qu'il y a un lézard, là, qui loge dans le mur de notre jardin. Il est une petite famille, il y a des bébés lézards et tout, etc. Je fais super gaffe pour que le chat, il les bouffe pas. Je l'ai appelé Pickles et je l'ai fait chier parce que tu vois, genre, on prend l'apéro et tout. L'autre jour, j'ai pris une fritelle, je l'ai foutue à côté du mur, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'il va aimer les fritelles. Ah là, je fais super attention. Il me fait, mais putain, tu fais chier avec ton lézard. Pourtant, elle adore les animaux, mais. Tu sais que moi, c'est pareil. Et Nat, elle est pareille aussi, tu vois. Je vais voir une araignée passer, je vais pas l'écraser. Ah bah, évidemment que non. Attends, Moi, tu vois, attention, scoop. Vous pourrez vous foutre de ma gueule sur les réseaux sociaux, mais pendant un temps, il y avait dans mes chiottes, il y avait une petite araignée qui était dans un coin de mur, tu vois, et qui sortait. Et à chaque fois, que j'allais pisser ou faire la grosse commission, je la voyais sortir de son trou, tu vois. Et bah voilà, c'était devenu ma pote des chiottes. Bon. Après, ouais, mais de toute façon, tu sais que c'est bien de garder une araignée dans une salle, au moins une. Bah, nous, de toute façon, c'est notre philosophie, en fait, avec Nat, c'est que... Mais ça pas... te dégage les saloperies. Hein. Tu vois, regarde, moi, dans le jardin, régulièrement, je suis envahi par les taupes. J'ai jamais rien mis. Ah non, bah, faut pas... De poison pour les faire fuir. J'ai essayé des trucs avec de l'ultrason. Bon, pour qu'elles se barrent, tu vois. Les taupes, c'est galère quand tu... C'est quand... bon, ça a pas... Tu fais pousser des trucs. Ça n'a pas très bien fonctionné. Podcast épisode jardinage, tiens. parce qu'en fait, si, quand t'as des. On va peut-être se calmer parce que là, je crois que. Faire une demi-heure. Non, mais voilà, j'explique. Quand t'as des taupes ou la maison mulots, France 5. Voilà. Des mulots, des trucs comme ça, et que tu fais des plantations, faut jamais planter. Enfin, tes plantations, par exemple, pour des légumes, faut jamais planter directement à même la terre. Il faut faire un bac. Tu fais un bac. Un bac de plantation. Non, mais je sais ce que tu vas dire parce qu'on l'a fait. Ben voilà, sur le lit, tu mets... Alors, ce qui est assez bien, bon, je conseille, de toute façon, on s'en fout, c'est de mettre quand même du carton. Il y en a qui mettent du grillage. Bon, moi, des fois, je mets les deux. mais tu mets un peu de carton et après, tu mets des feuilles mortes, du compost, voilà, tu mets des saloperies. Bon, c'est quand même bien de mettre du grillage, voilà, quand même. Et après, tu mets ton terreau. Après. Et en faisant ça, ils peuvent rien faire parce que qu'ils font des tranchées, en fait. Il faut savoir qu'ils font des tranchées, les taupes, pas que les taupes, hein. Ils font des tranchées dans la terre et puis ils te bouffent les pouces, quoi. Tu vois, c'est super organisé. Alors, juste deux secondes, pour ceux qui... vous n'avez pas enregistré, vous n'avez pas téléchargé le podcast audio de Silence à Pouce. Bonjour, mes petits crocus. Non, le S, c'est mal poli. Donc, on va peut-être enchaîner parce que là, le mec, il dit, attends, les mecs qui parlent de jeux vidéo, c'est cool. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de postier, ça parle d'Hitler, et maintenant, ça parle de jardinage. Putain, mais où je suis tombé, quoi? Donc, bref, on pourrait faire des hors-séries. Il y a un mec qui veut exterminer la moitié de l'humanité s'il est au pouvoir, mais il écrase pas un lézard. Donc bon, on va tout de suite recentrer le débat parce que là, ça part. Oui. Mais c'est ce qu'il faut aussi le charme de Brocast, je pense, c'est que voilà, c'est vous le savez, c'est le principe depuis l'épisode 0, c'est vraiment d'être dans quelque chose de convivial, de pingadé et voilà. Donc en termes de jeux vidéo, on peut se permettre de faire ça parce que le sujet n'est pas très non plus super vaste. Hein, donc, Mais en termes de jeux vidéo, donc du coup, avant qu'on attaque le gros de l'émission, parce que je pense qu'il faudrait qu'on l'attaque là, je voulais juste parler de Game Cult. Est-ce que toi, il y a quelque chose en termes de jeux vidéo, à part ta quête désespérée pour jouer à Zelda Breath of the Wild? Ouais. Ah bah, pff. Tant pis, écoute. C'est comme ça, je peux pas y jouer. Moi, bon, je vais pas me répéter parce que sinon je suis parti pour une heure de monologue et puis bon, j'en ai déjà bien parlé l'émission précédente. Mais là, j'ai dû peut-être doubler mon temps de jeu par rapport à la dernière fois. Ouais. Et c'est toujours aussi magique, quoi. Donc voilà, comme je disais, juste pour vous résumer, voilà, pour moi, c'est ça reste toujours le jeu pour moi le plus important de chez Nintendo depuis Mario 64 qu'on n'a pas fini d'étudier dans tous les sens. Et ce qu'ils ont fait, c'est juste hallucinant. Bah, je devrais peut-être bientôt y jouer dans les mois à venir, quoi. Bon, avant, je pense avant septembre, quand même. Bah, si tu t'arranges avec ton postier, il te fera livrer une Switch. Non, c'est mort, il va m'achouer. Tu vas retrouver un Joy-Con dans la boîte, tu sais. Ouais. Bref. Non, j'aimerais juste vite fait qu'on parle du nouveau Game Cult. Puisque, bah, vous l'avez vu, moi, je l'attendais. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'ils teasaient sur le sur la version du site. Ouais. Bon, moi, je t'avoue, je m'en foutais un peu, quoi. Enfin, bah, moi non, parce que en fait, bon, comme vous le savez, ici dans l'émission, on adore Game Cult. Pour moi, c'est le meilleur site. C'est le meilleur site JV français de très loin, qui a ses défauts aussi, qui a ses travers. Moi, je l'ai souvent dit, qui a tendance parfois à noter trop sévèrement pour, parfois, je pense, garder une certaine posture qui parfois est bon. Un petit peu trop. Mais un regret, hein. Faut voir, hein. Un regret, parce qu'il y a des regrets. Ah bah Pouillon, un test sur deux, il regrette sa note, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en termes de contenu, en termes d'articles, que ce soit de fond ou pas d'ailleurs, que ce soit en termes de podcast, de vidéos, enfin. Il n'y a pas de match. Voilà, il n'y a pas de match. On ne peut même plus comparer à ce niveau-là, parce qu'en termes de qualité, ils sont tellement au-dessus. Mais justement, c'est pour ça que je suis. Assez colère, mon cher Julien, contre le nouveau Game Cult, puisque j'ai pas compris en fait. Alors, c'est un avis totalement personnel, peut-être que je suis trop vieux, je ne sais pas, mais je trouve la mise en page bordélique. C'est le foutoir. Mais tu sais, l'interfaçage, c'est un métier. Et je pense que. C'est bordélique! En fait, le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'ils sont dessus, et quand ça fait 2 ans que t'as le pif dedans, t'as plus de recul, quoi. Je pense que c'est ça. Et du coup, pour eux, ça paraissait évident. Tu vois, pour eux, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dessus que c'est évident que les news, c'est à cet endroit-là. C'est évident que tel truc, c'est à cet endroit-là, etc. Mais toi, quand tu pars de zéro, t'arrives, t'as jamais vu le site. La première fois que tu l'ouvres, tu comprends rien. Franchement, tu comprends rien. Mais franchement... Il y a un gros problème d'interface. On dirait que c'était fait par Ubisoft, quoi. C'est dommage. Maintenant, je suis pas aussi tranché que toi. Je trouve quand même que en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une erreur, mais ça peut plaire aussi, c'est qu'ils ont vraiment privilégié l'esthétique, en fait. Non, mais justement, je te coupe tout de suite. C'est pas incompatible parce que juste, c'est ce que je voulais dire. En termes purement esthétiques, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup le design. Maintenant, moi, je te parle d'organisation, de mise en page. La mise en page, pour moi, est catastrophique. Maintenant. Le design, les petites icônes qu'ils ont mis, etc. C'est super. Mais la DA est très bonne. Voilà. Mais c'est complètement gâché, je trouve, par la mise en page. C'est-à-dire qu'avant, t'allais sur Game Cult, en un coup d'œil, t'avais un panorama de ce qu'ils faisaient. Là, je scroll, je remonte, je reviens. Et c'est hyper frustrant parce que. Tu cherches beaucoup, tu cherches encore plus qu'avant, quoi. Avant, déjà, un des défauts de Game Cult, c'était que tu devais vraiment te battre parfois pour accéder au contenu que tu voulais voir. Je trouve que là, c'est pire. C'est pire encore. Ce qui, pour moi, est une erreur majeure. Et secondo, ils ont. Parce que moi, je le répète, en termes éditorial, vraiment, j'adore Game Cult, je suis très fan de ce qu'ils font. Ils ont amené des nouvelles rubriques. Qui sont vraiment mais super chouettes, ouais, vraiment, qui sont très très bonnes. Mais si tu les loupes à l'instant T de la publication, pour les retrouver, mais. Un très bon exemple, voilà, moi j'ai déjà eu le cas. Il y a un week-end, je regardais le site sur mon téléphone, et il y avait un article sur Mario, sur la première Warzone. Oui, c'est une des nouvelles rubriques, ça. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, bref, bon. C'est le jour où Mario fait je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Bah, en fait, c'est ce que Miyamoto a amené avec la Warp Zone, la révolution et l'influence que ça a eu après sur les jeux suivants. Voilà, et je me suis dit, tiens, le temps d'uploader une build d'un jeu ou de faire ceci ou de faire cela, je vais me le garder, je vais me le lire, tu vois. Et j'ai voulu le lire mercredi, je crois. Putain, mais j'ai passé 20 minutes à le chercher et le temps que j'avais disponible, bah, il est parti dans le temps où. Où je l'ai cherché je l'ai rageant. Vu plus tard. Et c'est pas normal de chercher un article comme ça pendant des plombes. Normalement, je devrais avoir un fil d'actu, le scroller, puis retourner à tel jour. Et hop, je sais que c'était tel jour et je le retrouve. Et là, c'était pas le cas. C'est n'importe quoi. Sur certains trucs, ça a été grandement amélioré, comme le classement des vidéos. Putain, il était temps qu'ils classent les vidéos par. Oui. Il y a au moins ce côté positif. Voilà, il y a au moins ça. Mais par contre, tu vois, c'est comme quand tu scrolles vers le bas et que t'as des rubriques, t'as des colonnes de rubriques au milieu de l'écran. Le principe d'une colonne, c'est que ça soit sur un coin. et du coup, ça se retrouve en plein milieu. Enfin, c'est très bizarre. En fait, je comprends pas. Il y a eu des bêta-testeurs, mais on dirait qu'il n'y en a pas eu, en fait. On dirait qu'il n'y a pas eu de bêta-testeurs, et c'est très étrange. Je me suis fait la même réflexion. C'est très étrange, parce que, sincèrement, je pense que c'est juste un problème de placement, en fait. Il y a un gros problème de placement. Ouais, parce qu'en termes de design, c'est très joli. Ouais, les éléments sont là, ils sont à peu près bons, mais en fait, c'est juste des Lego, quoi. Faut remélanger pour que c'est exactement ça. T'as l'impression que c'est une boîte qui a été secouée. Exactement. Et que tout sort en vrac. Rien n'est à sa place, quoi. C'est d'autant plus rageant. Enfin, presque rien. C'est d'autant plus rageant parce que le contenu est très bon, donc c'est frustrant, en fait. Non, c'est puis c'est un truc qui est chelou, c'est que. Il y a plein de problèmes, même d'ordre, il semblerait technique. Tu vois, toi, j'imagine que comme moi, t'es en premium, je suis en premium chez oui, eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai des pubs partout, quoi. Pourquoi j'ai des pubs alors que je suis en premium, quoi? Non, puis comme avant, t'as des pages qui mettent des plombes à se charger. Moi, ça, c'est leur serveur, je pense. Ce qui m'embête, c'est que moi qui trouvais jeuxvideo.com et Gameblog bordélique, le comble, c'est que. L'autre jour, je me suis dit là il y a un vrai problème, sachant que GameCult pour toi autant que pour moi, voilà, le premier réflexe quand tu veux te renseigner en langue française en jeu vidéo, c'est GameCult, c'est le réflexe. Moi je sais que pendant que je bosse, pendant la journée, j'y vais vraiment au minimum. Enfin, je sais pas, je dois y aller. Mais moi, je mets même des lives, même des fois, si c'est des jeux qui m'intéressent pas, je regarde. Je suis gros consommateur de GameCult. J'ai été des premiers à m'abonner premium dès que. C'est simple, en fait, j'ai toujours une page GameCult ouverte. Voilà, moi aussi. Ouverte. Il est toujours. Toujours. Moi, il est toujours ouvert dans Google les Google et GameCult, c'est constat. Voilà, c'est ouvert, c'est en. Exactement. Quoi. Bon, moi, c'est la même chose. J'ai l'impression de vivre avec eux, quoi. Et ben, l'autre jour. Je sais plus sur quelle news, je voulais absolument avoir une info. J'ai été sur GameCult, c'était tellement le foutoir, j'étais très pressé. Tu sais quoi? J'étais sur fil de news de JV.com. Ah, putain, et tu vois, réflexe que je ne fais jamais d'habitude. Non, mais c'est vrai que c'est beau, mais c'est pas limpide, malheureusement. C'est dommage parce que t'es là à guetter. Ça changera peut-être encore, je sais pas. T'es là à guetter, tu vois, quand. Et je me dis même, tu vois, comme toi, je le consulte. Tout le temps, la journée, etc. Dès qu'il y a une petite nouvelle rubrique, tu vois, ce qu'ils ont fait, plein de nouvelles rubriques qui sont vraiment très intéressantes et puis comme ouais, toujours, mais elles sont éparpillées. Très bien écrites. Franchement, je pourrais même pas te dire combien il y en a. Mais c'est ça. Et donc, quand c'est posté, c'est pas limpide. Je me dis, bon, attends, je la mets en onglet tout de suite pour pas la perdre. Pour pas le perdre. En 2017, tu devrais pas avoir ce réflexe sur Internet. Ouais, non, c'est clair. Donc, non, mais il y a un gros problème. Il y a un très gros souci. Et je sais que moi, le nouveau GameCult. Ça faisait longtemps que je l'attendais parce que c'était régulièrement teasé, que ce soit dans GameCult l'émission. Ouais. Parce que pareil, en termes de vidéos, GameCult l'émission et Gaijin Dash, c'est une tradition. On se met en famille, on la met sur l'écran via la PS4, on le met sur l'écran du salon. Nous, on le met sur le deuxième écran de cette PC dans le bureau. C'est pareil, j'attends Kelly parce que Kelly veut que je l'attende pour regarder Gaijin Dash aussi. Même Natacha, qui d'habitude ne regarde pas les émissions de jeux vidéo, pareil. Elle aime bien. Ouais. Et même si une fois sur deux, je suis pas d'accord avec eux sur les jeux, c'est pas le problème. C'est la qualité du travail est là, voilà. Ouais, moi je m'en fous, c'est normal. Ça, on peut pas être d'accord. Et c'est bien de pas toujours être d'accord. Bien sûr. Pour dire si on est fan de GameCult, mais là, le nouveau site, c'est pas du pinaillage, c'est que ou alors on est peut-être trop vieux. Je sais pas, mais moi je. Non, l'interface. Je m'y perds complètement dans cette interface. L'interface, c'est pas générationnel, c'est une notion de design. Et t'as l'impression de passer à côté toujours de quelque chose. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème d'ergonomie. J'espère qu'il. Ah, puis le forum, j'en parle même pas. Moi, je sais pas, j'y vais pas. Mais Non, mais le forum, je ne comprends plus rien. Le truc, c'est qu'avant, j'allais consulter un petit peu certains topics. J'y mets même plus un orteil, quoi. Enfin, c'est. Je comprends plus. Je ne serais pas aussi cassant, mais c'est vrai que. Mais moi, je dis ça parce que moi, je les adore, tu vois. Mais moi aussi, mais. Voilà. Moi, j'ai fini par m'y retrouver petit à petit, même s'il y a des trucs. Je trouve que l'interface, elle est. Enfin, l'organisation. C'est compliqué, c'est dommage. C'est horrible. Et pourtant, vraiment, il manque pas grand-chose. Enfin, je te dis, c'est juste un problème de placement. C'est vraiment juste un problème de placement. Il y a plein de mauvaises idées. Tu vois, par exemple, la petite flèche, en haut de la barre de news. Ouais, l'espèce de flèche. L'espèce de flèche, les news chaudes de ta région, pour faire un petit trait d'humour, c'est marrant. Sauf qu'une fois sur deux, la flèche, elle cache le titre de la première news. Oui. Il y a plein de trucs comme ça. Et cache une partie, ouais. Qui font très amateur. Et c'est pas logique. Ouais. Et je ne comprends pas. Tu sais, on dirait un mec qui lance son premier site. Il a plein d'outils. Tu sais, on a tous fait cette erreur au début quand tu es sur Internet et que tu peux mettre plein d'outils sur ton blog ou ouais. sur ton site. En général, tu charges. Moi, je me souviens au tout début, quand j'ai fait mon premier blog, bon, ça remonte à très très longtemps. Je mettais des sprites animés à côté de chaque rubrique. Enfin, je mettais vraiment plein de trucs. Bon, oui, oui, c'était ouais. trop, tu vois. Ben là, on a l'impression que c'est un peu cette faute de débutant où tu surcharges. Tu sais que en fait, il manquerait pas grand-chose parce que là, j'y suis allé. Tu vois la colonne de droite là. Le problème, il est là, surtout pour moi. Il y a un truc qui est pas logique en termes de design. La colonne de droite avec les news, en fait, comme tu peux le constater, elle ne scrolle pas. En fait, elle est figée sur le scrolling du site. C'est-à-dire que si tu déroules ta page, ok, si tu déroules ta page, la colonne de droite ne scrolle pas. Parce c'est très sauf, bien. Sauf si t'as ton curseur sur la colonne. Au-dessus. Donc ça. Là, elle scrolle. Je suis d'accord. Sauf que cette colonne de droite, elle devrait s'adapter dynamiquement à la taille de l'écran, à la résolution de l'écran de l'utilisateur. C'est-à-dire que si je scrolle vers le bas, au bout d'un moment, cette barre devait s'arrêter et la colonne « Dernier test à venir ». Donc la colonne de droite, et ça, c'est votre avis, tu vois. Cette colonne de droite qu'ils ont quasiment foutue au milieu de l'écran, cette colonne de droite, ça devrait être la suite de la colonne du fil d'actu. Tu comprends ou pas ? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Suite. Et si le news, par exemple, là, une matinée de jeux sur PSVR, tu vois, le news en bas, tout est bon dans le Japon, etc. Ça devrait être le corps du site après les news. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et en fait, il suffirait qu'il fasse juste ça et ce serait beaucoup plus limpide. Tu peux pas mettre ce qui est censé être du contenu de marge. Donc en bas, là, les avenirs, etc., les tests. C'est du contenu de marge. Tu peux pas mettre du contenu de marge à quasiment le milieu de l'écran. Ça perturbe ta notion de lecture. Et tu vois, c'est un site quoi. En plus, il suffirait qu'il fasse juste ça, c'est bon quoi. Je trouve ça vraiment très intelligent. Tu vois l'iconographie. Tout est bon dans le Japon. Petit mais costaud. Ça se range. Ça se range comme un menu. C'est ça. T'as l'impression que c'est plein de bonnes idées. Mais c'est qui sont balancées dans un bac. Et il n'y a pas de cohérence dans la construction. Bah c'est ça qui me dérange. C'est pas utile d'avoir le fil d'actu qui est à droite. C'est pas utile qu'il soit aussi grand. Mais je sais pas, il suffisait juste d'aller sur Facebook, tu vois. Enfin, tu vas sur Facebook, ton fil d'actu, à droite, là, tu sais, tes infos, genre les gens qui jouent à des jeux, tes likes, ouais, etc. Ouais. Ça prend pas toute la hauteur. Non, mais c'est dommage. Et puis c'est vrai que les nouvelles rubriques, y en a plein, elles sont super. Et moi, je te dis, à chaque fois qu'il y en a une qui est postée, je la mets en onglet. Tu vois, j'ouvre dans un onglet différent. Juste ajuster. Pour moi, c'est un problème. C'est un tout petit ajustement. Mais tu sens qu'il manque pas grand-chose. Bon. Mais pour moi, ce serait bon. C'est serait fucking nickel. Bordélique. Et moi, ce qui me fout la rage, c'est que ce serait l'édito serait de piètre qualité. On s'en foutrait. Mais c'est vrai que, voilà, GameCult, au niveau édito français en termes de JV, bon, pour moi, on le répète tout le temps, je sais, mais ils sont vraiment au-dessus de la mêlée. Et c'est dommage parce que ça ne met pas en valeur et pour moi, ça dessert même leur travail. Oui. Parce que si c'était censé attirer de nouveaux internautes, moi, j'ai l'impression que cette organisation foutraque, elle fait plus objet de repoussoir que de... Ça peut faire fuir. Ah, ça peut faire fuir. Parce que même des fidèles comme nous... Voilà, c'est pas du tout, tu sais, en mode vieux con, on dit pas « Oh, c'était mieux avant », c'est pas ça du tout. C'est qu'en termes de design, il y a des très très bonnes idées, mais par contre, c'est le bordel. Et parfois, je suis même obligé d'aller sur un site concurrent que j'aime beaucoup moins pour retrouver plus rapidement une news quand j'ai pas le temps, quand je veux une info, tu vois. Donc là, quand... Tu vois, si on arrive à ces extrémités-là, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Bon. Bien sûr. Après, ils viennent de le lancer, il y a le temps d'améliorer le truc. Et vraiment, quoi qu'il arrive, de toute façon, on reste toujours fidèles à GameCult parce que vraiment, voilà, ils sont vraiment bien au-dessus, quoi. Voilà. Même s'ils ne sont pas parfaits, c'est à certaines critiques parfois qui me hérissent le poil. Ouais, mais bon, je. De toute façon. Je ne tiens plus trop compte de ça. Non, mais voilà. Et c'est vrai que c'est dommage voilà, que cette. Parce que moi, je l'attendais énormément, cette nouvelle version du site. Et voilà, j'ai été extrêmement déçu. Parce que je trouve que pour faire plus bordélique que JV.com et Gameblog, il faut quand même se lever de bonne heure. Ouais, et pour moi, ils ont fait plus bordélique. Alors, c'est plus beau en termes de design, mais c'est plus bordélique. C'est pas comparable. C'est beaucoup plus beau. Et c'est ça le problème. Enfin, bah, bon. L'ancien site, franchement, il était moche, hein, faut le dire. Mais non, mais moi, je le trouvais très fonctionnel. Je le trouvais pas moche. Enfin, attention, il y a une différence entre fonctionnel et moche. Oui, il était fonctionnel, mais il était pas beau. Non, je le trouvais pas moche. Non, personnellement, je le trouvais pas moche. Ah, bon, moi, je le trouvais pas beau. Non, mais c'était pas beau. Mais c'était pas moche. Et puis surtout... Ah, je le trouvais vraiment très... ça faisait vieillot. JV.com, je trouve ça moche. Ah oui, voilà. JV.com, c'est très... Alors non, bah attends... T'es gentil, c'est horrible, voilà. On dirait un site de 1997. Tu vas sur jeuxvideo.fr, parce que ça existe encore, t'as l'impression de tomber dans un vortex duquel il faut t'extirper avant d'être... Oh, ça fait partie des détails qui les ont tués, hein, de toute façon. Voilà, mais... Bah oui, bah, jv.fr, quand il va, même si t'as un PC du futur avec un sous Chrome... T'as l'impression que ça s'affiche mal quand même, que ouais, c'est merdier. Ça va exploser. Ouais. Voilà, bon, c'est horrible. Puis bon, Gameblog, n'en parlons pas, on dirait un site de jeux flash. Donc, bon. Ah bah, Gameblog, ça c'est le grand malheur, parce qu'il y a quand même des... Comme on le disait, il y a des plumes qu'on aime bien. Ouais. Dont plumes d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, puis sûr, certains autres. J'aime bien qu'on écrit, par contre, mais bon, merci voilà. Pour le vent. Hein. Enfin, il m'a mis un vent, laisse tomber. Quoi. Bah, international, écoutez, quoi. Ceux qui nous écoutent ont fait un appel à plumes, parce que plumes, on l'adore. On a toujours kiffé ce qu'il faisait. Et non, mais le pire, je voulais juste qu'il m'ajoute sur Twitter pour que je lui file le lien à l'époque de la bêta du jeu, mais que genre, même pas pour un article, quoi, juste parce qu'on l'aime bien, quoi. Tu vois, c'est voilà. Vas-y, tiens, on te file notre jeu parce que bah, on te lit. et puis voilà. Et bah justement, on a trouvé une transition toute trouvée. Ami auditeur, tag et plume pour qu'il parle de Guns of Mercy. Non, mais pas. Je m'en fous, on n'a pas besoin de Gameblog. Enfin, là, on va y revenir, mais on n'a vraiment pas besoin d'eux, quoi. Mais c'est pas pour qu'ils en parlent, c'était juste comme ça, parce que je l'aime bien, je sais qu'il aime bien aussi un peu les jeux rétro, etc. Il fait partie des seuls qu'on lit sur Gameblog, parce que malheureusement, à part lui et Julo, tout le reste, vraiment, pour moi, c'est un avis personnel, c'est une catastrophe ce site. Mais je nie pas qu'il y a des bons, quoi. Il y a des vrais bons. Et puis c'est un fan d'FF6 et d'Amiga, non, rien que pour ça. Voilà, donc c'était juste comme ça, pas en mode genre, hey, vécu ça, mon copain, j'en ai rien à foutre, c'est juste que. Comme à l'époque avec Boulap quand on s'est contacté, c'est voilà, on aspire à peu près les mêmes choses. T'en parles ou t'en parles pas, c'est pareil. Mais tiens, allez, on est développeur, on te filme. Oui, au moins répond quoi, voilà. Bon. C'est juste du ok, bah même s'il joue pas, tu vois, voilà. Mais répond au moins. Ou peut-être qu'il nous a entendu vachement charger Gameblog et bon, voilà. Après, on oui, peut le comprendre peut-être. Aussi. C'est vrai qu'on après, a. Il peut mal le prendre. Hein. Je peux comprendre qu'il puisse. Gameblog, que ce soit dans l'émission, que ce soit sur les réseaux. C'est vrai qu'on a pas mal chargé. Ouais, mais bon, à raison. Après, voilà, c'est quand tu bosses dans une boîte qui fait des choix, moi j'estime douteux, bah t'assumes aussi, quoi. Tu vois. Enfin, bref, en tout cas, tout ça pour nous amène au techniquement au gros sujet de cette émission, c'est que donc tu as alors on va tout de suite prévenir. Juste avant, c'est pas de l'autopromo. Voilà, je te laisse parler. Vas-y. Mais juste avant, il faut que je pisse. Ah bon, bah alors c'est... Voilà. Bon, j'arrive. Tu sais, ça va devenir une tradition à chaque épisode, ça. Hein. C'est ça, allez, j'arrive. Bon, bah alors, je vais combler le temps en attendant. Tout ça pour dire que là, bah, comme ça, on va gagner du temps. On va parler donc de Guns of Mercy. C'est un jeu qu'a sorti Julien et son compère Romain sur iOS. Et là, je crois qu'il est sorti sur... Oui, il est sorti sous Android aussi. Donc, qui est un jeu mobile, qui est un jeu d'arcade, voilà, avec une direction artistique très rétro entre les 8 et 16 bits, on va dire ça. Et du coup, ça n'a pas été trop relayé par la presse française, alors que le jeu est énormément chroniqué outre-Atlantique sur Internet et fait des très bons scores. Et donc, on se demandait, et on voulait essayer de faire ce sujet-là dans l'émission, est-ce que le fait que ce soit un jeu mobile, est-ce qu'on trouve ça normal que ce soit considéré comme un jeu de seconde zone ou pas ? Ah là, t'es revenu, donc justement... Ouais, je suis pas incontinent, hein, c'est juste qu'en fait, je bois, voilà, faut savoir, je bois beaucoup de l'eau. Hein. Petit perro. Donc j'expliquais pendant que t'étais aux toilettes, en fait, comme ça, pour gagner du temps, le fait que Guns of Mercy a été pas mal chroniqué outre-Atlantique Et qu'en France, ah bah oui, c'est clair, il n'y en a quasiment pas eu que le jeu donc a des super retours. Et est-ce en France, alors justement, voilà, est-ce que ce soit le fait que justement ce soit un jeu mobile, le fait que ce soit considéré comme un jeu de seconde zone, est-ce que c'est normal? Bon, bah nous on pense que non, bien sûr. Et surtout, tu voulais préciser que c'est pas de l'auto-promo parce qu'on va pas parler que de ton jeu, on va parler des indés français sur. Sur mobile, du traitement auquel ils ont droit. Madame, je te laisse. Alors, déjà, première chose, on a été chroniqué dans pas mal de sites français. Alors des sites. Alors, précise, parce que est-ce que sont des gros sites ou des sites de passionnés, semi-pro Un peu des deux. Bon, pour moi, c'est des sites qui sont importants parce que c'est. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois, de. Que le jeu soit chroniqué ou au moins qu'il y ait une news chez eux. Mais déjà, d'ailleurs, je tiens à les remercier. Hein, je tiens à remercier tout. Enfin, tu vois, par exemple, particulièrement Florent Gorge, qui lui, pour le coup, a vraiment mis un coup de pied au cul dans la fourmilière en ne comprenant pas pourquoi nos jeux n'étaient pas plus chroniqués. Donc, il a vraiment mis en avant, entre guillemets, tu vois, essayer de dire ouais, contacte lui, fais ci, fais ça. C'est pas normal, tu vois, que tel jeu, personne n'en parle. C'est pas normal que ceci, cela. Vous devriez avoir le double de likes. Enfin bref, tu vois, vraiment, on a pas mal discuté et bon, je l'en remercie parce qu'il m'a donné quand même des petites astuces. Mais en dehors de ça, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que bah c'est Boulap, hein, comme d'hab, voilà. Oui, donc, il en a parlé dans Game Cut l'émission. Donc voilà, j'ai tourné la net. Ouais. Il a même parlé un peu de nos autres produits. Ouais, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est même pas vraiment du copinage. Je pense que voilà, c'est même pour lui. C'est important. Tu vois que c'est important. Tu vois, il parle de plein de petits jeux. C'est un de ses créneaux chez Gamecult. Il fait partie des monsieur indé, quoi. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes. C'est lui, c'est MO5, c'est Florent Gorge. Indie Game aussi. Ouais, voilà, Indie Game, Game Side Story. Bon, c'est voilà, Game in the Pocket. C'est toujours les mêmes. Donc c'est des sites soit un vraiment indépendant, soit semi-pro, soit même pro. Parce que regarde, jv.com. Tu vois, on leur crache à la gueule, mais ils font partie de ceux qui ont parlé du jeu. Oui, oui, non, mais ça, il faut le reconnaître. Hein. C'est voilà, vrai. C'est. Donc, si la presse française en a quand même discuté. Par contre, ils ont discuté à partir de quand pour beaucoup, ils ont discuté quand le jeu a commencé à tout défoncer au niveau des charts. Et c'est là où je veux en venir, c'est que. En fait, c'est marrant parce que quand tu as besoin. On va dire qu'il y a à peu près 80% qui ne te répondent pas. Ils attendent que ça marche un peu pour en parler. Et dès lors où tu es dans le top 50 des jeux aux États-Unis, nous on était carrément dans le top 20 à un moment donné, on était carrément au-dessus de Mario Run. Dis donc, c'est. Ah bah alors ça doit générer du clic. Ah bah tiens, je vais répondre. Tu vois ? Oui, tu veux dire que c'est pas en France, une opportuniste. Voilà. C'est de l'opportunisme. Veux dire, c'est que derrière, il faut qu'il y ait un intérêt au niveau du clic et que c'est pas du tout par solidarité ou par envie. Enfin, solidarité, c'est peut-être pas le bon terme, mais par envie de faire découvrir des petites pépites ou des jeux, voilà, ou peut-être moins bons, mais en tout cas des jeux qui existent. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière de trafic. Yes. Voilà, certains sites ont répondu à partir de ce moment-là. Okay. Ouais. Je vais pas dire qui. Mais certains sites, s'ils nous écoutent, ils le sauront, tu vois, mais certains sites ont répondu à partir du moment où le jeu a commencé à bien tout défoncer, et ben je leur ai pas répondu, tu vois. Par principe. S'ils ont envie de parler du jeu, ils parlent du jeu, mais ils se débrouillent, quoi. Moi, je donne pas d'infos, quoi. De toute façon, j'ai pas le temps pour ces connards. Mais c'est vraiment... C'est de l'opportunisme, tu vois. Et voilà, ça confirme tout ce qu'on disait depuis le départ, c'est que t'as certains sites où c'est vraiment des passionnés. Tu sais quoi, il y en a même d'autres qui ont demandé de payer, quoi. T'as des sites... qui m'ont répondu, et ils ont dit, genre, pour 2000 boules, on fait un article, quoi. Non. Je te jure. Mais il faut balancer leur blaze, hein, c'est pas normal, ça. Pour 1000... Alors, tu sais, c'est des sites, genre, de tests de jeux Android, des sites... Enfin, je me souviens plus des noms, parce que, tu sais, quand tu lances un jeu, tu sais, on a Excel, enfin, pas Excel, mais un Google Sheets, c'est pareil. Ouais. Un Google Sheets de 15 km, et puis, tu sais, voilà, on envoie les mails avec la plaquette, entre guillemets, du jeu, etc., blablabla, et il y en a, c'est oui, vous pouvez faire... Alors... Bon, on n'a pas le temps de faire des reviews de jeux, mais si vraiment vous voulez faire, vous voulez qu'on fasse une review, etc., alors on a des formules, soit c'est genre le communiqué de presse pour 500$, oh la vache. Soit c'est un test vraiment complet, détaillé du jeu avec une pour 1000€, pour 2000€, mais carrément une interview. Voilà, tu vois. Bah, tu vois, je suis peut-être naïf, mais je ne savais pas que ça existait, ça. Ah, si, franchement, si, si. Alors, Il y en a aux États-Unis, hein, beaucoup, ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est ouf. Mais laisse tomber les sites français, sans déconner, pas, mais c'est un truc d'ouf, quoi. C'est franchement, ça doit être 60-70% des retours, quoi. Mais par contre, ah, tiens, ah, il y a des gros sites US qu'en parle. Ah, dis donc, il y a 20 pages de blabla sur Forum Touch Arcade. Ah, tiens, le jeu a été testé dans Famitsu Mobile. Ah, bah d'accord, bon, on va peut-être commencer à en parler, quoi. Mais il n'y a aucun soutien, quoi. Ils n'ont rien donc, à en parler, fait, quoi. Ce qui est important de préciser, c'est que là, on va même plus nommer le jeu pour pas que ça fasse autopromo, mais c'est surtout pour expliquer que, alors bien sûr, il y a des sujets plus graves dans le monde, hein, surtout le contexte actuel, mais c'est juste pour dire que ce genre d'indifférence, en fait, ouais, sur des jeux qu'ils soient bons ou pas bons, mais en tout cas, il y a tellement de grosses merdes parfois qui sont chroniquées, mais parce que derrière, tu as un plan com qui est tellement énorme que tu vois que le jeu, voilà, on en parle. Il faut savoir que ce genre de choses, ça peut juste mettre à mort une société, ouais. Mettre des gens au chômage. C'est-à-dire que là, heureusement que tu as eu des bons retours, on peut le dire ça, que tu as eu des bons retours aux États-Unis. Ah ben ça, ouais, c'est. Parce que ça, là, ça, c'est, bah plus, ça de, cartonne, hein, c'est voilà. Plus de 6 mois de dev et de sacrifice pour toi et Romain. Ouais. H24 et si le jeu se plantait ah là je sais pas trop comment on aurait t'aurais peut-être mis la clé sous la porte et le truc c'est ouais je sais pas comment on aurait fait ouais. Ce qui est alors bien sûr hein, le jeu vidéo c'est pas une opération caritative le tout c'est pas de dire bande de salauds vous avez pas acheté c'est pas ça mais c'est au moins non, mais que les gens soient au courant ça. C'est bon quoi attends. Que ça sort moi regarde franchement Gods of Mercy ce serait pas ton jeu et celui de Romain je vous connaîtrais pas moi qui suis l'actu sur les sites FR et les sites US quotidiennement, je serais très certainement passé à côté. Ouais, alors que c'est pile poil un jeu qui s'adresse à un public comme moi. Mais de toute façon, enfin, je vais tout à fait franc avec toi, en termes de téléchargement, ça ne représente rien en France. Hein. C'est pas... Franchement, c'est... à la limite, en France, il n'y aura même pas de téléchargement, ça ne changerait pas grand-chose. Quoi, hein. Je te dirais même, sur le chiffre d'affaires, ça ne changera rien. Peut-être quelques centimes. Alors... En termes de téléchargement, tu multiplies par 100 000 comparé aux États-Unis et à l'Asie, quoi. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut. Je pense qu'il y a deux problèmes sur lesquels tu pourrais peut-être t'exprimer aussi. C'est qu'il y a deux éléments à prendre en compte. C'est que déjà, hormis du fait que ce soit un jeu mobile, hein, en plus, oui. Voilà. Quand tous les voyants sont rouges pour. Voilà. Quand vous aviez sorti Falling Teddy 2. Il est sorti sur Steam, il est sorti après sur console, il n'a pas été franchement beaucoup plus chroniqué, alors qu'aux États-Unis, il a été chroniqué quasiment partout. Voilà, et comme tu dis, il y a encore une petite communauté qui est active voilà, sur, ouais, sur et le puis jeu. On a un très bon métacritique. Quoi. Voilà, alors qu'en France, je veux dire, le jeu, il est quasiment pas connu. Quoi. Ah, mais il n'existe pas. Hein. Alors que c'est un jeu français, d'accord alors bon. C'est français. Et alors en plus, vous cumulez les tares, parce que là, c'est un jeu mobile. Donc, ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que. Un jeu mobile, aussi bon soit-il, n'a pas le droit à une critique, n'a pas le droit à une mise en avant en termes de critique, tout simplement, en termes de review, qu'un jeu console ou PC. Bah, et ouais, ça, je peux comprendre quand ouais, même. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que moi, il y a souvent. Le truc, c'est que. Je ne sais pas comment dire ça. Les auditeurs nous diront comment ils ressentent ça aussi, mais parfois, sans te rendre compte, alors que tu es gamer, tu bosses dans le milieu, hein, ce qui est notre cas. Parfois, sans t'en rendre compte, la presse, qu'elle soit en ligne ou papier, te conditionne un peu parce que tu te dis, bon, bah tiens, il y a ça, et il y a certains jeux mobiles, tu vas dire, ouais, bon, je vais pas regarder ce qui se fait parce que moi, par exemple, je vais jamais sur les stores iOS, tu vois, ouais. Pour voir ce qui sort. Moi, les pépites mobiles que j'ai découvert, c'est parce que sur certains sites un peu moins professionnels que les gros. On met en valeur tel ou tel jeu ou parfois justement Boule à Poire ou Gotoz chez Gamecult. Ah, moi c'est simple, c'est Gotoz et Boule à Poire, voilà. qui instaurent mes téléchargements mobiles, hein. Voilà, et il n'y aurait pas ça, je serais passé à côté de... Ah bah moi je serais passé à côté de Dungeon par exemple. Alors moi celui-là il m'intéressait vachement parce que... Moi je savais même pas que ça existait avant que Boule à Poire en parle, quoi, hein. Dans le fameux documentaire dont je vous ai parlé, Branching Pass, oui, voilà, on voit le dev dedans et donc le jeu. Moi, je l'ai pas vu. Tu vois, moi ça, je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu ce documentaire. Mais c'est ça, c'est que en fait, même quand on est érudit, même quand on cherche, quand on fait un travail de fouinage, ce qui est mon cas en tout cas, pour toujours chercher la dernière petite pépite indé, tu vois, qui cartonne, ce n'est pas grâce aux gros sites. Si on regarde pas Gamecult l'émission, par exemple. Imaginons, ce n'est pas grâce aux gros sites ou aux gros magazines, qu'on... enfin, même si gros magazine maintenant ça veut plus rien dire vu les chiffres de vente, qu'on, qu'on découvre ce genre de jeu en fait. Et c'est normal ? Est-ce que c'est anormal ? Est-ce que maintenant un très très bon jeu mobile ne mérite pas d'être mis en avant comme un excellent jeu console ou PC ? Mais bien sûr. Mais regarde, ce qui est contradictoire, c'est que je pense que maintenant, il faut être aussi un peu lucide, il faut être réaliste. Le plus gros du marché du jeu vidéo, c'est le jeu mobile. C'est le plus gros. C'est tellement au-dessus de tout que, pareil, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de match en termes de téléchargement. Il faut pas. Mais il y a une forme d'ignorance. C'est comme si tu faisais un site qui parlait de cinéma, enfin de cinéma, de médias télévisuels en général, et que tu ne parlais pas des séries. Tu parles que des films et puis tu parles pas de Game of Thrones et Walking Dead. Mais il y a beaucoup plus d'audience sur Game of Thrones et Walking Dead que la plupart des films qui sortent. Tu comprends ? Oui. C'est débile en fait. Tu peux pas ne pas parler du jeu mobile et c'est ce qui se passe. Ils en parlent très peu. Si t'es pas Fire Emblem, si t'es pas Mario Run, donc si t'es pas Nintendo, si t'es pas Sega, et encore je dirais même pas, parce que tu vois, t'as des jeux genre Sonic Rush, Sonic Dash ou ces trucs-là, ils sont même pas chroniqués. Mais moi, Romain me parlait, c'est évidemment, quand tu fais un jeu mobile, tu fais un peu de l'audit, tu vois, de ce qui se passe. Mais bien sûr. Romain, il me dit, ouais, dans Sonic Dash, il y a des bonnes idées d'in-app purchase, pas trop chères, etc., et pas trop implicantes, qui soutient les développeurs, etc. Moi, je savais même pas, alors que c'est un jeu Sonic, je savais même pas qu'il y avait des Sonic Dash. J'étais même pas au courant. C'est pas normal. Je vais sur les sites de jeux vidéo tous les jours, c'est pas normal que moi, je ne sois pas au courant qu'il y a des jeux Sonic sur mobile. Enfin, des Sonic Dash. Bah, plus, Sonic Dash, ça a été chroniqué, mais en news, quoi. Voilà. Bon, ouais, mais voilà, tu vois. Mais ces jeux-là doivent avoir des tests, doivent être plus chroniqués, et les bons jeux mobiles, indés, doivent être chroniqués, bah, parce que ce sont des jeux vidéo. Mais tu sais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a certains de ces jeux qui sont chroniqués quand ils arrivent sur Steam, parce que t'as des jeux mobiles après qui arrivent sur Steam. Ouais, en plus. Ouais, et là, par contre, quand ils arrivent sur PC... ou sur console, ils sont chroniqués. Alors, en fait, c'est parfois, ils ont des très bonnes notes. Et c'est le même jeu. Ouais. C'est vraiment incohérent. Il y a un manque de lucidité sur le marché, tout simplement, du jeu vidéo, sur la vision de la presse. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chroniquer tous les jeux mobiles. Évidemment qu'il ne faut pas chroniquer tous les jeux mobiles, parce que c'est quand même la foire. Il y a quand même... sans vouloir être méchant, il y a quand même 80% du marché mobile où c'est à jeter. Le marché mobile, c'est comme le marché de la Wii à l'époque. C'est pareil. C'est-à-dire que pour 20% de vrais bons jeux, tu as 80% de daube. Tu as 80% de daube. Tu ne peux pas chroniquer tout le monde. Mais quand tu vois qu'il y a une bonne dynamique sur des jeux, eh ben, tu t'y intéresses. Quand tu as des développeurs qui font des jeux mobiles, qui viennent vers la presse en disant on fait un jeu et au moins regardez ce que c'est, eh ben, au moins regarde ce que c'est, parce que merde, c'est ton boulot. Filtre. Ah oui, mais on n'a pas le temps, tu sais, on a pas mal. Mais c'est votre boulot, j'en ai rien à foutre qu'il n'y a pas le temps. Tu vois, c'est votre taf de faire ça. On va pas le faire pour vous, putain. Enfin... Bah, surtout que vous êtes quand même. C'est pas comme, pas si, tu... C'est pas comme si tu venais de sortir ton premier jeu. Que... Non, oui, en plus, mais même. La boîte, non, mais la boîte, elle existe depuis maintenant quelques temps. Vous avez déjà sorti des gros jeux. C'est ça qui est fou. Mais quand c'est même. Parce qu'on n'a pas d'équipe marketing, on n'a pas une nana avec des gros nichons qui va voir la presse. Et qui dit, ah, regardez, alors on a fait un produit, puis je vais le présenter, puis je t'en peux le fion aussi. C'est tout. On n'a pas... Bon, j'ai bossé dans des boîtes de jeux, je sais comment ça se passe. Tu vois ? Donc, je sais comment ça se passe, comment les commerciaux doivent draguer la presse, comme ils doivent draguer les organismes de communication. Je sais comment ça se passe. Tu vois ? Il faut les harceler, il faut faire ça tous les jours. Tu envoies des mails, tu envoies des plaquettes, tu les écris en français, en anglais, en espagnol, en italien, etc. C'est un métier, tu vois. Mais normalement, on ne devrait pas draguer, on ne devrait pas baisser notre froc et tailler des pipes pour qu'on parle de nous, quoi. Putain. Et puis là, je suis un peu énervé parce que, je te dis, c'est avec Romain, on a halluciné. C'est bon, on a passé les 100 000 downloads, c'est bon, tout le monde est venu à nos pieds, quoi. C'est, ah, dis donc, mais effectivement, puis c'est un beau jeu, puis c'est rétro, puis c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça sur mobile, et puis vous avez fait... comment vous avez eu cette idée, etc. Hé, connard, t'es en train de me parler, tu m'as contacté, t'as pas vu que je t'ai envoyé un mail il y a 2 semaines ? Tu vois ? Ouais. Donc, allez bien tous vous faire foutre. Donc, tu vois, il y a plein de jeux pas connus. Tu vas sur itch.io. Voilà, là, on parle de jeux PC, mais même sur mobile, t'as plein de jeux qui te défoncent, tu vois, qui auraient une très bonne audience, qui pourraient avoir une très bonne audience. Et les développeurs, ils bossent des mois, tu vois, ils bossent des mois. Et t'as des pépites sur mobile, parce que essayer de recréer exactement le même gameplay que sur machine de salon, ça n'a pas d'intérêt. Mais t'as vraiment des pépites sur mobile où, en termes de game design, Ils essayent des choses, quoi. Ils essayent des choses nouvelles en prenant en compte le format. Un peu ce que, je trouve que le parallèle avec la DS et la Wii est intéressant. Exactement. Parce que sur DS, t'avais 80% de jeux achetés, mais ceux qui utilisaient intelligemment le stylet et le tactile, il y a eu des trucs géniaux. Moi, je veux dire. Mais comme d'habitude, on paye les pots cassés parce que t'as la majorité qui fait de la merde. Et comme la majorité fait de la merde, on est l'espèce des amalgames. Enfin, particulièrement en France, parce qu'aux États-Unis, en tout cas, j'ai pas eu ce problème. J'ai jamais eu ce problème depuis 2008, depuis que la boîte existe. J'ai jamais eu de problème avec les États-Unis, le Canada et l'Asie. Hein. Bizarrement, c'est toujours en France que ça va pas. Et je suis pas en train de faire cocorico. Je suis français. Je veux que le jeu français soit plus mis en avant, etc. Il y a plein de jeux de merde aussi en France. Non, mais pas plus, mais ni moins, quoi. Voilà. Mais voilà, mais pas moins non plus. Faut pas abuser, quoi. Et c'est toujours les mêmes, sans déconner. Mais depuis qu'on existe, c'est toujours les mêmes qui bossent, quoi. C'est le reste, c'est des putains d'opportunistes. Donc je dis, Gameblog, c'est des gros opportunistes de merde aussi. Et la plupart des sites, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tu veux, et pas forcément la presse jeux vidéo, aussi la presse généraliste. Hein, c'est tu contactes 20 minutes, peut-être qu'on a une rubrique jeu. Si tu t'appelles pas Clash of Mon Cul et que t'as pas une RP bien bonasse qui les fait chier tous les jours et qui fait une voix de téléphone rose au téléphone quand elle a un autre commercial ou un responsable éditorial au téléphone, personne parle de ton jeu. Hein. Personne, tu sais, rien à parler. Hein. Tu sais, c'est marrant parce que je fais juste une petite parenthèse. À l'époque où j'étais rédacteur dans la presse jeux vidéo, quand on voulait faire connaître IGMag, tu sais, on avait contacté, ou parfois même c'était eux qui nous contactaient, des gens qui avaient déjà des rubriques ou des émissions sur des grosses chaînes, ouais. Tu vois, comme Canal+ ou autre. J'aimerais parler de vous, vous avez un super mag, machin, et c'est vrai, comme on a toujours essayé de se faire le plus connaître possible pour augmenter les ventes, vu que voilà, on savait qu'il y avait un sursis à un moment donné, etc. Les gens te contactaient, ils voulaient parler de toi, tu leur répondais dans la foulée, t'envoyais tous les docs qu'il fallait, t'essayais de prendre des rendez-vous, tout ça, et après t'avais plus de réponse. Ouais, voilà, tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça où des gens dans certains grands quotidiens, on voulait faire parler un peu du magazine. Oui, puis te mettait des vents pendant des mois. Et puis dès que ça se vend, bizarrement, tout le monde revient. Non, mais c'est pire que ça. Il y a du beurre à se faire, alors. Non, mais c'est pire que ça. C'est que, je te le souhaite pas, mais si un jour Storybird met la clé sous la porte, ils vont tous faire c'est dommage, ils avaient des jeux de qualité. Exactement. Oh là là. Exactement. Et là, t'as juste envie de prendre un bazooka puis d'aller bombarder tout le monde. Enfin, parce que. Mais moi, voilà. J'ai quand même eu plus ou moins la réaction parce que tu vois, il a fallu attendre que le jeu cartonne bien, qu'il y ait des articles sur. Je te dis, moi, j'y croyais pas quand je vois l'article sur Famitsu, dans Famitsu, etc., pour que les gens disent ah bah tiens, ils sont intéressants. Tiens, les gros qu'on essaye d'imiter en parlent, tu vois, parce qu'on veut faire comme eux, parce qu'on aimerait bien toucher un peu du doigt leur notoriété. Donc on va contacter Storybird. Enfin, je peux pas te dire qu'ils ont été bien reçus parce que j'ai même pas répondu. Non mais tu vois, voilà, c'est énervant quoi. C'est pas une question de. Techniquement, nous avec Guns, on n'a pas besoin d'articles en France, si tu veux. Enfin, on n'en aurait pas vraiment besoin. On a surtout besoin d'un featuring, tu vois, d'Apple, de trucs comme ça. C'est ça qui est important. C'est le fait d'être d'avoir un bon contact avec Apple et Google. C'est le plus important parce que finalement, la presse, ça représente pas grand chose en France. Aux États-Unis, c'est très important. Mais chez nous, ça représente tellement peu de pièces. On n'est pas un pays qui achète, de toute façon. Ah, puis dès que tu veux faire payer quelque chose, c'est tout de suite. Pour parler de développement, il suffit de voir, tu sais, les achats intégrés. Nous, on a accès à toutes les stats. Qui achète les in-app, qui, où, quand, comment. Enfin bref, on a accès à tout. En France, ça n'achète pas. En France, la notion de soutien... Les développeurs, ça n'existe pas ou très peu. Je suis désolé pour ceux peut-être qui ne se reconnaissent pas dans ce que je suis en train de dire, mais vous êtes une extrême minorité. Vous représentez peut-être 2% de la communauté. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce n'est pas le cas en Asie et aux États-Unis. En Asie et aux États-Unis, ils ont cette mécanique de soutien. Ils aiment un jeu, même s'il est gratuit, ils payent. Ils achètent un truc, un pack, au moins un truc, tu vois. Et pas un truc à 99 centimes. Hein. C'est vas-y que ça achète des packs à 20 balles. Ou au moins à 4 euros, quoi. D'accord, ouais. Il y a cette philosophie du soutien des développeurs pour qu'ils continuent à alimenter leurs jeux, et surtout pour qu'ils puissent faire d'autres jeux aussi, tout simplement. Et les retours majoritairement qu'on a aux États-Unis, même en Russie, ce qui est incroyable, c'est la première fois qu'on a un jeu qui marche en Russie, au Japon et en Chine, c'est assez impressionnant, quoi. C'est même peut-être au début... Romain, les premiers jours, il n'en dormait pas parce que c'est même intimidant. C'est presque oppressant au début quand tu reçois autant de messages en fait, de joueurs parce qu'on est quand même passé de 0 à, en 15 jours, à plus de 100 000 téléchargements. Ah, c'est génial. Donc c'est... Et tous ces gens-là, je dis pas qu'il y a 100 000 personnes tu vois, qui nous ont contactés, mais je les compte plus, quoi. Et c'est tous les jours comme ça, tu vois. Et au début, c'est un peu angoissant, quoi, parce que tu te dis, putain, il faut absolument que tu répondes à tout le monde, mais tu peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Tu peux pas parce que bah faut bien faut que tu bosses. Et du coup, comme tu dois bosser, bah t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps, c'est dommage, t'as envie de parler à tout le monde. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, enfin là, c'est moi principalement qui le fais, sur le forum de Touch Arcade, ça parle beaucoup. Donc du coup, je suis très actif sur le forum de Touch Arcade. Mais j'aimerais bien être actif comme ça sur un forum français aussi. Répondre aux joueurs français, à leurs questions, etc. Mais je le fais via Twitter parce que... Mais en France, les gens ne savent même pas que le jeu existe. Hein. C'est aux États-Unis, apparemment, tout le monde est au courant, hein, vu qu'on est dans les charts, etc. Mais en France, le Guns N' Roses, c'est dingue quand même. C'est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux français qui font plus de 100 000 downloads en 15 jours, tu vois. Eh ben, personne connaît le jeu, quoi. Tu vois, personne connaît le jeu quand même. Aux États-Unis, c'est assez courant. C'est assez courant. Oui et non, parce que quand tu vois que tu montes autant dans les stats, c'est que c'est pas si courant, tu vois. Mais c'est moins exceptionnel, on va dire. Je suis pas en train de dire que ce qu'on a fait, ah, attention, c'est exceptionnel, gna gna gna. Mais pour moi, ça me paraît pas normal qu'on en ait pas parlé. Tu vois, ça, c'est pas parce que c'est moi, ce serait quelqu'un d'autre. Attention, ce serait la même chose. Comme tu vois, pour moi, c'était pas normal que les jeux Arcado n'étaient pas plus chroniqués. Ou les jeux Pastagame, parce que les jeux Pastagame, moi, je les connais. Pourquoi ? Je connais les jeux Pastagame parce que j'aime bien Pastagame. Mais quand ils ont sorti le jeu avec le petit oiseau, là, sur DS, je crois, je me souviens plus du nom. Une sorte de jeu de plateforme, mélange musique, etc., avec un piaf un peu à la New Zealand Story. Enfin, tu vois que c'est un jeu de geek. Oui, je vois. C'est un jeu de gamer qui était super, etc. Moi, je le sais parce que bah, je bossais dans une boîte de jeux qui connaissait... On se suivait tous, tu vois. Voilà, on suivait forcément les concurrents. Et du coup, bah, moi, j'y avais joué et tout. Mais je ne l'ai pas vu vraiment passer dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu, quoi. Tu vois. Et c'est, bah, je suis désolé, mais ce n'est pas normal, quoi. C'est pas normal qu'on est dans un pays où, comme je me répète, on prône, on soutient le développement français. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un argument marketing. Ils sont très peu à le faire. Quoi, qui le fait, franchement? GameSide Story, bon, les sites de jeux indés, bon, évidemment, parce que c'est le sujet. Mais Rom Game. Oui, Rom Game MO5, aussi, c'est vrai qu'on peut les remercier voilà. Aussi. Ouais. Et MO5, bah après, c'est des gens, c'est individuel. Bon, du coup, Florent Gorge, c'est les mêmes, quoi. Et en plus, avec un jeu mobile. GK, comme d'hab. T'as, t'as aucune chance d'être. Un jeu mobile, ton jeu, c'est forcément de la merde. Puis t'as aucune chance de passer dans des chaînes YouTube aussi, tu vois, parce que maintenant, ça fait aussi partie des moyens de médiatiser son jeu quand t'as un gros YouTuber qui. Ouais, mais non, c'est pas vrai, parce qu'aux États-Unis, tu vois, t'as les mecs de Touch Arcade qui ont fait des vidéos sur le jeu. T'as plein de YouTubers qui jouent au jeu et tous les jours, il y a des vidéos. De Guns of Mercy sur Ah d'accord, bah, je savais pas qu'ils avaient fait des mais, vidéos aussi. Mais comme d'habitude, c'est les Américains. Comme d'habitude. Tu vois, c'est pareil, il y a le mec là de GK, ou de GK, de JV.com, qui me dit, ouais, t'as contacté Atonium, ou... parce qu'il chronique les jeux mobiles aussi, blablabla, etc. Je fais, bah, évidemment que je l'ai contacté, quoi. Mais Atonium, enfin, c'est pas le même mec qu'Indymag ? Je sais pas, peut-être. Si, c'est le même mec. Je l'ai contacté, j'ai filé le lien et tout pour le jeu, il m'a jamais répondu, quoi. Tu vois, je pense que si tu balances pas un petit billet, en tout cas, si c'est pas vrai, je m'en excuse, mais c'est en tout cas. Non, toi même, je pense pas que ce soit le cas. Après, bah, en tout cas, comme Gianni de Gameblog, ils nous ont mis un bon gros vent alors que notre jeu est plus téléchargé que tous ces en nombre de vues que toutes ces vidéos, quoi. Tu vois, c'est même si t'arrives en position de force, t'es carrément ignoré, quoi. T'es ignoré parce que t'as pas un RP, parce que t'as pas derrière toi un historique avec écrit Final Fantasy dedans. Tu vois, c'est... Ouais, ouais. T'es ignoré parce que t'es nouveau, quoi. T'es un peu nouveau et comme t'es nouveau et comme t'es petit et comme t'as pas d'équipe marketing, tu te tais, quoi. Ou alors, fais un gros nom, tu vois. Ouais, comme les Wonder Boy en ce moment, quoi. Exactement. Parce qu'avant qu'il y ait Monster Boy, là, Franchement, qui connaissait Game Atelier, quoi? Non, puis Flying Hamster 2, qui a donné naissance après à Monster Boy. Franchement, j'avais découvert l'existence du jeu complètement par hasard. Tu vois, c'est pas normal. Putain, c'est une équipe de ouf. Ils sont ultra talentueux. Ah bah oui, ça c'est clair. Ils ont des supers idées, ils ont des graphismes de dingue. Putain, et faut qu'il y ait un japonais, je sais plus comment il s'appelle, Mishizawa. Mishizawa, ouais. Mishizawa, ouais. Voilà, faut que t'aies le Jap de Wonder Boy qui fasse une vidéo et qui parle pour qu'on parle d'eux. Mais c'est pas normal. Putain. Bon, ils ont de la chance que le mec est vraiment, vraiment super cool et passionné. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que. Et surtout les Japonais, d'habitude, sont très, très, très, très fermés à ce niveau-là. Ouais. Là, ils sont tombés vraiment sur un mec génial. Si t'as pas une licence, si t'as pas le soutien d'un gros ou d'un éditeur un peu important, on est dans un pays où on parle pas de toi. C'est tout. Et moi, j'ai une autre question. En voyant un peu plus loin que le bout de son nez, est-ce que tout ça, ça te fait pas peur pour les futurs projets en cours? Parce que là, t'as Agelos, donc qui. Bon, comme c'est un hommage à Wonder Boy, on va peut-être un peu plus en parler, mais. Bah, ils ont. Il a. Bah, de toute façon, François, donc le développeur, a été invité chez Mo5. Oui, je suis entendu. Il n'a pas beaucoup parlé parce que c'est quelqu'un de très timide. Ouais, ça se sent dans l'émission. Ouais. Ouais. Je l'ai écouté. C'est quelqu'un de très timide. Il était un petit peu stressé. Et puis, voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il a peut-être un complexe d'infériorité. Alors qu'en tant que game designer et level designer, il défonce à peu près tous ceux que je connais. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, tempérament, quoi. C'est un tempérament et c'est aussi ce qui fait son charme et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un d'excessivement attachant. Et c'est aussi peut-être grâce à ça qu'il est aussi talentueux, parce que je pense qu'il se rend pas compte, quoi, du talent qu'il a, et je suis très content d'avoir mis la main sur lui. Ouais, alors t'en as pour quelqu'un d'autre, parce que ils ont un melon. Que, non, mais je pense que je me le ferais piquer, quoi. Tu vois, donc les gens vont être très surpris, quoi. Par Agelos, j'en dis pas plus. C'est pas pour faire genre, c'est mais cool. Je pense que moi j'ai trop hâte d'y jouer, hein. Moi qui est un gros fan de Wonder Boy. Il est bien meilleur que j'ai pas de scrupule à le dire. Il est bien meilleur que Final Fantasy 2. J'en parlais avec notre éditeur, donc Look at My Game aussi, ils sont à peu près d'accord avec nous. Je pense que sur plein d'aspects, il innove. Les gens ne le savent pas parce qu'ils ont joué qu'à la démo. Je pense que les gens s'attendent vraiment à ce que ce soit dans la continuité de la démo qui a cartonné, et c'est le cas. C'est dans la continuité de la démo, mais x 10 000, quoi. Je pense que les gens vraiment vont être très surpris, ils s'attendent pas à ce que je propose. Et c'est pour ça que c'était aussi assez long, quoi. Depuis la démo, le Greenlight. Bon, bah là, tu me donnes encore plus envie d'y jouer. Là. Bah, c'est simple, il y a plein de moments où il casse les codes, quoi. Des jeux à la Wonder Boy où tu dis, non, il n'a pas fait ça quand même. Bah si, quoi. Il y a plein de moments, en fait, il se joue un peu des codes des action RPG. T'as plein de moments où tu dis, ah, c'est marrant, il a fait ça comme dans Zelda et tout, mais il pousse le truc mais tellement plus loin. Et puis surtout, bah, les pouvoirs que t'as dans le jeu, bon, vous les verrez, c'est que des trucs quasiment inédits, quoi. C'est un jeu à boucle. Mais il met un coup de pied dans les boucles, quoi. Bah attends, la sortie est prévue cet été, non? C'est ça? Alors voilà, on essaye de terminer le jeu pour cet été. Agelos, il y a une attente. Et pourquoi les gens en ont parlé? C'est parce que ça a fait un carton, la démo a cartonné aux États-Unis, quoi. A cartonné à un point où le jeu était greenlighté en 18 heures. Ouais, je me souviens. On l'a mis sur Greenlight au bout de 18 heures, en moins de 18 heures, on a reçu un message de Steam. Donc ils nous ont contactés pour dire qu'ils ont kiffé la démo et qu'ils greenlightaient le jeu tout de suite. Voilà. Et donc il sort sur PC. Moi, c'était clair. Il sort que sur PC dans un premier temps, hein, c'est bien ça? Non. Alors oui, dans un premier temps, oui, il sort sur PC. Alors il y aura une version mobile aussi du jeu. Une version light, quoi, mobile. Et console, non? PS4 Et si tout se passe bien, voilà, toutes les plateformes, donc PS4. Peut-être même Switch, non? Oui. PS4, c'est top ça. Mais ça se fera en. Après, oui, dans un second temps. Faut les kits de dev, faut faire. Oui, comme Final Fantasy 2, quoi. Voilà, c'est pas simple. Et puis parce que c'était pas prévu, quoi. À la base, nous, on partait que sur un jeu PC, et puis finalement, il y a un éditeur qui s'est greffé, et que, est-ce qu'on peut faire une version mobile? Bah oui, on peut faire une version mobile. Bon, et puis est-ce que vous êtes chaud pour des versions console? Bah oui, on est chaud pour des versions. De toute façon, les passerelles, en ce moment, je trouve. Et ça, je pense qu'il faut quand même rendre un peu grâce aussi à la PlayStation 4, c'est que je trouve que les passerelles en ce moment entre console et PC ont jamais été aussi nombreuses. Elles existaient, mais je veux dire, j'ai l'impression que maintenant, dès qu'un truc cartonne un mois sur Steam, t'es quasiment assuré de le retrouver sur PS4 et puis après bon Xbox donc One. Donc pour Agelos, j'ai un peu moins peur parce que j'ose espérer quand même qu'il sera testé. Enfin, je veux dire là en termes de carton. Si le jeu est pas chroniqué, je comprends pas. c'est pas grave qu'il ne soit pas chroniqué, parce qu'il sera chroniqué aux États-Unis, c'est sûr. Mais là, vraiment, je ne vais pas comprendre. Ouais. Là, si de, enfin, c'est pas méchant, mais s'il n'est pas chroniqué, je pense qu'il y a un Guy Souroche. C'est que vraiment, on est vraiment dans du conflit d'intérêts, quoi. Il y a un cabinet total noir à l'Élysée qui. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est non, que mais vraiment, la presse ne fait vraiment pas du tout ça par passion. Ouais. C'est que vraiment, la presse ne fait pas du tout ça par passion et fasse uniquement ça. Et vraiment, le seul et unique but du site du jeu vidéo, c'est de l'opportunisme. Vraiment. Sinon, c'est pas possible. Je comprends pas. On peut pas ne pas être chroniqué. Tout comme Monster Boy ne peut pas être chroniqué. Enfin, pour moi, ça me paraît insensé, quoi. Tu vois, ces jeux-là doivent être chroniqués. Surtout que bon, on n'arrive pas tous au même moment. Là, il y a Dragon's Trap qui arrive, c'est top, en avril. Nous, on arrive cet été et Monster Boy, bon, j'ose espérer quand même qu'il arrivera vers Noël, quoi, qu'il nous fasse pas parauter un peu plus, parce que moi, je commence à ne plus en pouvoir. J'ai l'impression que les deux, enfin le remake de Dragon's Trap et Monster Boy, j'ai l'impression qu'ils sortent pas le même mois là, ils sortent pas ce mois-ci. Non, il n'y a pas de date de sortie pour Monster Boy. Ah, mais il me semblait qu'ils avaient. Alors, je confonds avec Dragon's Trap. Ils ont annoncé une sortie pour Dragon's Trap, je crois. Dragon's Trap, il sort ce mois-ci, il sort le 18, je crois. C'est le 18, voilà. Il semble, hein, de tête. Hein. Ah, et Monster Boy, c'est pas ce mois-ci aussi, d'accord. Non, je pensais que c'était le même mois. Mais il n'y a même pas de date pour Monster Boy. Par contre, ça serait dommage que vous sortiez en frontal, quoi. Non, c'est pas très grave. Parce que ça risque de vous desservir. Mais non, parce qu'eux sont beaucoup plus connus que nous. Nous, on est plus petits. Je pense qu'on sera plus sur la longueur, ouais, peut-être. Parce que je pense que dès que les gens vont jouer à Aguelos, ils vont voir que c'est pas vraiment. C'est pas qu'un clone de Wonder Boy, quoi. C'est pas vraiment du. C'est. En fait, on est plus. Là, bon, bah. Enfin, c'est des notions plus de game design. On est presque plus dans du IS. D'accord. Que dans du Wonder Boy, même s'il y a énormément de notions Wonder Boy, c'est plus technique quand même qu'un Wonder Boy. Il y a beaucoup plus de stats. C'est un peu plus. Alors, les gens vont se dire comment ça, il y a des stats, ceux qui ont joué à la démo. Mais oui, enfin, hein, de toute façon, on fera une vidéo, on fera un petit live pour montrer un peu l'état du jeu où on en est. Mais il y a vraiment une notion, il y a une grosse notion RPG, quoi. Mais RPG traditionnel. Il y aura peut-être un live de prévu chez GameCube. Il y aura un live de prévu. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je ferai un live. D'accord. Pour la communauté. Parce qu'on commence quand même à avoir une belle petite communauté. Pour la communauté, il y aura un live. Donc, on va essayer en mai où je vais montrer le début du jeu, on va dire la première heure de jeu. D'accord. La première heure de jeu. Alors que les gens se rassurent, le jeu est super long. Enfin, super long. L'une heure de jeu, ça ne représente pas grand-chose, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ils verront un peu plus du jeu, l'état du jeu et les nouvelles features. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Le jeu a extrêmement évolué depuis la démo. La démo, faut bien prendre en compte que par rapport à la version actuelle et par rapport à la version release donc du jeu, on est vraiment du prototype, quoi. D'accord. Si on doit faire un comparo, tu vois, par rapport à ce qu'est le jeu, en fait, vraiment, on a ajouté plein de trucs. Enfin, on a gonflé le jeu. C'était pas vraiment prévu jusqu'à un stade où à un moment donné, faut s'arrêter parce que après, ça sert à rien d'en mettre trop. Tu sais, c'est comme un. Il y a notre éditeur qui m'avait fait une analogie qui était très intéressante. Tu vas dans un restaurant gastronomique. Tu manges un super plat. Tu vois, quand tu arrives à la fin, tu es content. Tu vois, t'en gardes un bon souvenir, etc. Mais ce plat-là, on te le resserre, mais il y en a 3 tonnes dans l'assiette. C'est bon, mais c'est trop, quoi. Tu vois. Bon, bah voilà. Je pense que le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Faut avoir un juste équilibre. Une petite dizaine d'heures, c'est largement suffisant pour ce type de jeu. Et c'est ce qu'Aguelos fera. Une petite dizaine d'heures. Voilà. Hors quête annexe, etc., parce qu'il y a plein de contenus additionnels aussi, hein, quand même. J'ai hâte d'essayer tout ça. Enfin, on va faire un live cet été, ouais. Donc sur le jeu, mais du coup, on passe par un organe de communication qui est interne, mais on enverra quand même la version démo, donc la démo que nous, on va faire en live, on l'enverra aussi à la presse, et qui a envie d'en parler, en parlera. Et on en verra aussi, et là tu parles que ça te fait pas peur, si ça me fait un peu peur, parce que du coup on va annoncer notre deuxième gros jeu au même moment en fait, pendant le même live, et je pense que personne n'en parlera. Tu parles du fameux jeu que tu m'as fait tester plusieurs fois là. Oui, d'accord. Je pense que personne n'en parlera, parce que Guns of Mercy, ça c'était un peu la désillusion. Évidemment, je pense que Boulap en parlera, parce qu'en plus, je pense que c'est un type de jeu qui lui plaît. Évidemment, oui, parce qu'il avait parlé d'une certaine autre démo, bon, qui n'a pas été plus loin qu'au stade de la démo, ouais. Et que tu avais posté sur Itch.io. Voilà, c'est un peu l'aboutissement de ça, même si c'est pas le même jeu. Non, pas du tout, non. Ça m'a bien montré qu'il y avait des attentes sur ce type de jeu. Donc voilà, je suis allé beaucoup plus loin avec un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus grand et avec l'appui donc toujours d'un éditeur. Et là que t'as fait de A à Z, hein, faut le préciser. Ah bah là je suis tout seul, hein. Là je fais tout seul quoi. Il y a vraiment personne pour m'aider. De toute façon j'ai pas le pognon pour qu'on m'aide. Donc je suis bien obligé de le faire tout seul. Non ouais, là c'est vraiment tout seul, ce qui est c'est assez éprouvant, mais par contre je prends un pied. Je pense que ça se ressent peut-être dans le jeu que je prends mon pied, mais ah bah on voit que t'as tout mis là. C'est clair que ça sent que moi connaissant tes références, voilà. C'est clair que ça se ressent à chaque seconde. Voilà, donc on verra, mais je pense que ce sera toujours les mêmes. Je vois mal Gameblog, par exemple, parler de ça. Tu vois, enfin, c'est impossible. C'est chaud. C'est impossible, quoi. Enfin, quand tu vois qu'ils parlent même pas des jeux de cave, tu sais, alors qu'ils sortent quand même des nouveaux shoots, ils en parlent même pas, quoi. Alors, t'imagines. Mais tu sais, j'ai dit que c'était un shoot. Oui. Bon, c'est pas grave. Ça y est. Mais tu vois, de toute façon, oui, parce qu'on a pas, oui, parce que là, quand on parlait de la démo que t'avais mise sur Itch.io, qui était Varuna, bon, ouais. Je pense que les gens qui te suivent un peu avaient cartonné aussi, d'ailleurs. Mais tu vois, regarde, ça rejoint un petit peu le sujet, c'est que je fais juste une parenthèse. C'est que je trouve ça normal aussi que tous ces jeux japonais de niche qui arrivent sur Steam, je dois me transformer en explorateur, je suis en mode spelunky, quoi. Ouais. Pour les trouver. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas un site qui répertorie ou qui fait une petite rubrique. Alors voilà, les dernières nouveautés japonaises qui sont arrivées sur Steam. Et ça, d'ailleurs, ce serait bien que GameCult le fasse. Ouais. C'est que, ou dans Gaijin Dash, tu vois, ce serait bien qu'ils en parlent de ça. Parce que moi, il y a plein de hits japonais qui sont remis sur Steam. Et pour certains jeux qui n'ont jamais vu l'Occident de leur vie et qui ressortent comme ça. Bah, allez, regarde les Is, par exemple. Moi qui est un gros fan des Is. Oui, bah là ils sont tous sortis sur Steam, ils ont quasiment jamais. Heureusement qu'il y a Puyo pour en parler. En France. Là t'as en France, quoi. T'as le nouveau jeu, mais ça je l'ai appris grâce parce que GameCult en avait parlé un peu en news et puis moi comme tu sais que je suis fan de Suda 51, t'as The Silver Case qui est son premier gros jeu qui est ressorti là sur Steam, etc. Mais il y a plein des fois je tombe par hasard, je fais attends ce shoot ou ce jeu d'arcade ou ce visual novel. Qui a une grosse réputation, putain, il est arrivé sur Steam. Mais regarde, c'est Deathsmile par exemple, qui est un de mes shoots préférés de Cave. Deathsmile. Qui était sorti sur Xbox 360, je crois, non ? Ouais. Deathsmile, donc il est sorti. Moi, je l'attendais, j'attendais que ça, qu'il arrive sur Steam, donc il est sorti sur Steam. Je l'ai vu passer que chez GK, en site vraiment généraliste. Hein. Je l'ai vu passer que chez eux, quoi. Je crois qu'ils l'ont même testé, peut-être, il me semble. Ils avaient dit que c'était vraiment le même pour le coup que. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Il y avait tous les modes additionnels qu'ils avaient ajoutés, Cave, petit à petit. Mais c'est tout ça pour dire que... Alors que là, on parle de Cave quand même, quoi. Ouais, quand tu posais la question, est-ce que tu as peur pour l'avenir, pour vos prochains jeux ? C'est même pas que j'ai peur, c'est que moi, je sais que personne n'en parlera. C'est un peu la désillusion. Et même, tu vois, il se peut que... c'est un pavé dans la mare, mais en gros, on attend nos kits de dev. Switch, là. On attend nos kits de dev et on est censé faire Fainted Eddy 2 dessus. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Fainted Eddy 2 est censé sortir sur Switch. Sauf que, comme la Switch cartonne, il y a un embouteillage sur l'équipe de dev et que on est en attente. Bon, bah là, tu nous livres un scoop parce que ça n'a pas été annoncé, ça. Non, parce que c'est pas. Moi, tant que j'ai pas le kit de dev, j'annonce rien. En tout cas, c'est prévu. Voilà. Pour avoir bossé avec Nintendo, je peux t'assurer que tant que les kits de dev sont pas à la maison, je ne dis rien parce qu'ils sont tellement. Ils tiennent tellement jamais leurs promesses. Ils sont tellement bancals que voilà, j'annonce rien d'officiel. Mais on doit le faire, voilà, on doit. On va pas, on doit. Voilà, bien comprendre la nuance. Ouais. Et ben, même si le jeu sort sur Switch, on parlera pas de nous, je suis sûr. Je suis sûr. Ah, sur Switch, j'aurais peut-être une chance. Mais parce non, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent. Peut-être que GK en parlera vite fait, tu vois. Comme d'hab, quoi, les gens qui taffent, quoi. Ils en parleront peut-être vite fait, mais. Mais non, ils s'en foutent. Les développeurs français n'ont aucune importance. Les indés, les petits développeurs et les indés. Oui, parce que les devs français qui sont dans des structures. Par contre, après, si grosse ou moyenne, là, on en parle. Si t'es Ubi, si t'es Quantic, etc. Là, faut en parler parce que putain, il y a du clic. Hein. Et puis surtout, faut en parler parce que derrière, il y a des RP hein, qui disent, ah, dis donc, faut en parler, sinon on ne voit pas nos prochains jeux. Hein. Tu vois. Moi, qu'est-ce que je vais dire là, c'est si tu parles pas de moi, je t'enverrai pas mes prochains jeux. Ils disent, ok, d'accord, on voit pas, quoi. Et puis là, c'est pas pareil, parce que là, dans les grosses boîtes, t'as un RP qui, lui, est harcelé par son chef. Et si on parle pas du jeu, C'est pour ça que les aussi t'as certains RP qui sont en mode un peu harceleur, parce que eux se font harceler et leur place est en jeu si. Et nous, désolé, on peut pas faire ça parce que nous on fait des maths quoi. On n'a pas le temps quoi. Ouais, mais c'est ça. On n'a pas le temps de faire ça. Donc normalement, la presse elle est censée parler de nous. C'est leur boulot. Hein. Et, je veux dire, ils sont payés. Hein. C'est leur taf de faire ça. C'est pas mon taf de le faire. Hein. Je suis même pas juste envoyer le jeu, prévenir. Bon, écoutez, on sort un nouveau jeu. Là, on te fait une petite démo, ok. Même si t'en parles pas, juste même répondre, tu vois, par politesse, tu vois, réponds au développeur. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Hashtag Gianni de GB. La moindre des corrections, c'est de répondre, quoi. Faut pas me dire que t'es pas le temps parce que je veux pas faire un comparatif, mais je pense que je bosse plus quand même. Hein. C'est pas méchant. Hein. C'est vraiment pas méchant, mais me dis pas que t'as pas le temps. Hein. Me dis pas que t'as pas le temps parce que tu vas avoir ma main dans ta gueule, quoi. C'est-à-dire, toi, t'es payé à écrire et à jouer à des jeux. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a plein de jeux, je sais qu'il y a du boulot, mais compare pas, s'il te plaît, quoi. Juste compare pas. toi, ton métier, c'est de parler de nous, justement, quoi. C'est comme si des agriculteurs, répondaient au chef de cuisine en disant, désolé, j'ai pas le temps de te répondre, je dois faire mes légumes. Ouais. Bah tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est sans l'un et sans l'autre, vous avez besoin de l'un et l'autre pour bosser. Vous êtes censé bosser main dans la main. Et c'est justement comme ça que tu peux avoir une plus grosse audience et que tu peux peut-être potentiellement faire découvrir des jeux qui vont vraiment beaucoup plaire à des gens. On fait du divertissement, faut pas oublier qu'on fait du divertissement. Nous, on fait pas ça pour l'argent. Si j'avais envie de me faire du pognon, je serais ingénieur ailleurs. Hein. Je serais ingénieur dans une banque, je serais designer dans une boîte généraliste. Des œuvres d'embauche, on en reçoit. Hein. Oui, t'aurais pas tout quitté pour monter ta propre affaire et puis faire les jeux que t'avais envie de faire. Donc, il y a des chasseurs de tête, et puis Romain, je sais pas, j'imagine que oui aussi, parce que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais moi je reçois des œuvres d'embauche toutes les semaines quasiment. Quoi. Pour moi, ce serait facile de tout lâcher. Tu vois ? Mais oui, je le fais pas. Il n'y a que la passion qui te Je le fais pas parce que je suis passionné, et puis le fait de voir les gens jouer à nos jeux et leur faire passer un bon moment. C'est comme tous les métiers artistiques, on fait ça pour ça, quoi. Comme un cuisinier va bosser je sais pas combien d'heures, faire chier sa brigade, etc. Et pourquoi il fait ça ? Mais c'est pas ça pour l'argent, il fait ça parce qu'il veut donner du plaisir. Tu sais quoi ? C'est pareil. C'est en mode Top Chef, en fait. C'est que quand tu mets tout en jeu, ta vie financière et puis quelque part la sécurité de ta famille pour la passion, et que on ne goûte même pas ton plat. T'es même pas testé. C'est un peu comme ces épreuves sur Top Chef où il y en a, ils ne sont même pas goûtés. C'est-à-dire que. C'est exactement pareil. Le truc, c'est que c'est pas que tu veux qu'on dise que ce que tu fais, c'est bien, c'est juste. Mais non ! Qu'on regarde à quoi ça ressemble. Qu'on me juge. Qu'on goûte ton assiette, quoi. En bien ou en mal. Mais au moins qu'on goûte ce que tu as fait. Regarde ce que je fais. Voilà. Putain. Exactement. On bosse dans le même milieu. Merde. Que t'aimes ou t'aimes pas, donne-moi la même. Tu peux pas m'ignorer, c'est pas possible. Donne-moi la même chance que les autres. Que les gros. Voilà, pour voir ce que je fais. Après, t'as le droit de dire que t'aimes pas ou que t'aimes, mais voilà. au moins me ferme pas la porte à l'entrée. Regarde quoi. L'analogie avec la cuisine, parce que c'est une analogie qui est parlante. Actuellement, en France, il faut bien comprendre que le cuisinier qui fait son plat, s'il veut goûter, faut qu'il paye. Faut qu'il paye ou faut qu'il harcèle. C'est normal, tu crois ? Bah non. Non, c'est pas normal. Ou si tu veux te goûter, faut que tu aies eu un restaurant 4 étoiles, même pas. Hein. Faut que tu aies eu un gros plan quand même pour. Faut être McDo, quoi. Faut être McDo et là t'es goûté parce que c'est McDo, faut goûter, tout le monde connaît McDo, quoi. Tu vois ? Slash Ubisoft. Hein. Pour ne citer que. Tu vois, c'est pareil. Ah, mais comme eux, ils sont connus, même si leur jeu est pourri, on va le chroniquer, quoi. Tu vois ? Bah, de toute façon, oui, parce que si c'est un super jeu, on va dire « Ah, attends, Ubisoft a sorti un bon jeu. » Si c'est un mauvais jeu, c'est un peu aussi le sport de les casser, tu sais, de dire « Ah, regardez ce qu'ils ont sorti. » Mais quoi qu'il arrive, on en parle, quoi. Voilà, on ne fait pas les jeux du siècle hein, chez Storybird. C'est clair, on ne fait pas les jeux du siècle, mais on fait des bons jeux. On fait des bons jeux parce qu'on fait des jeux auxquels on a envie de jouer et on sait qu'on c'est nul. Et moi, je n'ai pas envie de jouer à des jeux mauvais. Okay ? Donc, on fait des jeux qui plaisent, pas à tout le monde, mais qui plaisent, qui ont une audience. Et... qui sont minimum quand même sympas, quoi. Tu vois ? Donc, je suis pas en train de dire qu'on fait des super jeux, absolument on fait les meilleurs jeux du monde. Non, c'est pas du tout le cas. Guns of Mercy, on n'a pas réinventé la roue. Hein. C'est pas le meilleur jeu du siècle. Mais c'est un bon jeu qui plaît. C'est un jeu qui est amusant. Voilà. Final Fantasy, c'est pareil. Et c'est un jeu qui est Le 1 et le 2, c'est des jeux qui sont bourrés de défauts, mais c'est des jeux amusants. On a essayé de faire quelque chose. C'est pas des daubes, c'est des bons jeux. Et je pense que la vie des joueurs, de toute façon, le montre, c'est des bons jeux. Les anciens jeux Game Atelier sont des bons jeux. Sunflower, c'est un bon jeu. Flying Hamster, c'est un bon jeu. C'est pas normal qu'ils soient quasiment pas connus en France. C'est pas normal. T'as des gens qui vont sur Gameblog ou chez Gamekult ou chez jeuxvideo.com tous les jours, ils savent même pas que ces jeux-là existent. Ils le savent pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a du favoritisme. Il y a du favoritisme et il y a un aspect financier qui rentre au jeu qui est trop gros. Et il faut pas me dire qu'ils ont pas assez de temps pour bosser parce que c'est pas vrai. On est un pays de feignasses. C'est sûr que non, moi je peux pas bosser plus de 6 heures par jour, sinon je meurs quoi. Putain, sans déconner. On va vraiment passer pour des gros réacs et des vieux cons, mais non, c'est pas être réac, c'est la vérité. Parce que bon, nous on a été élevés comme ça, mais parce que bon, on a toujours travaillé quoi, quoi qu'il arrive. Mais parfois je me moque un peu de certains de mes contacts sur Twitter, mais je vais dire, regarde. Je sais que tu vas moins sur les réseaux sociaux que moi, mais tu regardes ton fil d'actu Twitter ou Facebook un lundi matin. On est dans un pays où on a plusieurs millions de chômeurs, t'as des gens qui crèvent la dalle dans la rue, et t'as des gens qui ont des postes assez. Je dis pas qu'ils gagnent des milliers et des cents, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ont des boulots qui n'ont pas une pénibilité énorme, c'est-à-dire. Ils posent pas des parpaings sous le cagnard, dans la rue. Et t'en as, ils arrêtent pas tout le temps de se plaindre. C'est lundi, je vais bosser, je suis dégoûté. Alors, c'est un sport très français de se plaindre. Je dis pas qu'il faut pas se plaindre, mais c'est vrai que parfois t'en as qui vont tellement loin dans le j'en ai plein le cul, je vais bosser tout ça. Alors, si c'est un boulot qui est très pénible, je peux tout à fait le comprendre. Parce que moi, le premier, quand j'ai fait des boulots alimentaires à une certaine époque qui étaient vraiment très, très durs, je vais pas raconter ma vie, mais où là, bon, c'est vrai que quand tu vas au boulot, la mort dans l'âme, parce que tu fais un truc où tu vas te faire insulter 8 heures par jour et puis tu vas rentrer chez toi, tu vas être mort, quoi. Oui, ok. Mais quand t'en as qui ont des boulots quand même, voilà, dans des secteurs. Je veux dire, pigiste, dans un magazine de jeux vidéo, faut pas me dire que t'as pas le temps, quoi. Sérieux, tu fais le tri, c'est ton boulot de faire le tri, quoi. C'est normal. Enfin, j'insiste sur le fait que c'est normal de pas pouvoir tout chroniquer. Je suis d'accord. Non, mais je pense que t'as un énième clone de Flappy Bird, évidemment que ça va pas passer chez Gameblog ou chez Gamekult. Tu vois, ça, c'est normal. Non, mais c'est des choix éditoriaux. Bon, je pense qu'après, il faut bien faire la différence entre moi, pour avoir bossé énormément d'années dans ce milieu, il faut faire la différence entre le pigiste qui pour avoir ne serait-ce que s'approcher d'un petit SMIC doit écrire 22 heures sur 24, d'un rédacteur payé en CDI, tu vois, c'est déjà pas la même chose. On sait que dans ces rédactions, dans ces gros sites, tu as le corps de l'équipe, quoi. Ce sont des, oui, t'as les meubles, ce sont des salariés. T'as les gravitons qui gravitent autour. Eux, qui travaillent 6, 8 ou 10 heures par jour, ils auront leur salaire. Qui tombera à la fin du mois, et t'as les pigistes à côté qui en général écrivent pour X publications, X sites, pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de paye pour manger. Bon, là c'est sûr que tu peux pas t'attarder sur tous les jeux. Ça, je pense que c'est le boulot de ceux qui sont vraiment salariés d'un gros groupe, tu vois. Mais justement, comme tout est à l'économie, déjà, comme tu vois, les rédacteurs en chef où les gros patrons de ces boîtes doivent estimer que, bon, lui, les salariés, il peut quand même en faire 10 fois plus que les autres, parce qu'il a comme sécurité, entre guillemets, de l'emploi. Donc, ils ont beaucoup de choses à gérer. Moi, je pense que où ça peut être rageant, effectivement, c'est quand tu vois des jeux indés, qui soient français ou pas, c'est pas la question, mais qui sont parfois vraiment très limites, qui vont être chroniqués. Moi, je le dis très souvent, c'est ça, c'est un peu les travers de Gamekult, mais après. Moi, c'est mon avis perso, tu vois, là, c'est purement personnel. Mais c'est vrai que parfois, j'ai acheté sur des tests dithyrambiques de Gotoz, des jeux, ou d'Exerve, quand il écrivait encore un peu plus pour Gamekult, des jeux indés ou semi-indés, qui ont reçu des 8, des 9, des trucs, t'as l'impression que c'était assez émerveillé du monde. Et quand j'y ai joué, c'était sympa. Mais franchement, ça valait pas, c'est. Ça valait pas tout ce baroud d'honneur. Des fois, il y a l'excès inverse. Alors que t'as des. Sans parler de tes jeux à toi, il y a des jeux que j'ai essayé sur Steam, sur bouche à oreille, parce qu'on me les avait conseillés. Ou parfois sur Itch.io, des choses totalement gratos, qui sont parfois vachement mieux. Mais tu vois, regarde, en parlant des shoots, il y a un shoot indé sur Steam, je sais plus, je crois pas que c'est américain. Je crois que c'est espagnol, enfin bon, je dis peut-être des conneries, mais il y a un maniac shooter sur Steam en pixel art qui s'appelle Jamestown, qui est mais exceptionnel, quoi. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ah, bah, je crois que tu en avais parlé. Oui, tu m'en avais j'ai parlé. J'ai halluciné. J'ai fait, mais putain, mais la qualité de ce shoot. C'est dommage, il est un petit peu court, mais bon, en même temps, c'est, le shoot, c'est comme ça, c'est normal que ça soit court. Sans déconner, j'ai dû jouer 15 heures, quoi. Tellement je l'ai rodé. Pourtant, je suis difficile en shoot. Hein. Faut savoir que je suis un très, très gros shooter. En dehors de Cave, de certains traits azur et des Darius, je suis très difficile, quoi. Très, très difficile. Et sur Steam, j'ai 30% de mes jeux, c'est des shoots, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup sur Steam. Bref. Oui, c'est une tuerie. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je crois que je l'ai vu une fois. Je crois que je l'ai vu chez GK, tu vois. Mais je crois que je l'ai pas vu ailleurs. Quoi. À part shmup.com, évidemment, tu vois. Bon, ça. Oui, mais après, tu tombes toujours dans les sites de niche, quoi. Ouais, c'est dans le truc de niche. Il a pas été chroniqué, alors que c'est un jeu indé qui est. Mais putain, pour un jeu indé, il est exceptionnel, quoi. Il est beau, il est fun, les musiques elles tuent, le gameplay c'est au poil de cul. Putain, mais c'est pas normal qu'on n'en ait pas plus parlé, quoi. Je comprends pas, et tu vois, en parlant de Game Cult, alors, c'est un avis personnel, je comprends pas pourquoi le jeu avec le serpent, là, il était sur, sur Switch, là, pourquoi c'était chroniqué, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas méchant, je veux pas dire qu'il y a des sous-jeux, etc., mais c'est un jeu qui a bénéficié carrément d'une review, d'un point dans l'émission, donc du coup, il s'est retrouvé. Moi, je croyais que c'était un jeu de ouf, parce que tout le monde en parle de ce jeu-là en ce moment. J'ai pas compris. Ah, parce qu'il a un principe original, visiblement. Mais... Ouais, bon, apparemment, il a un principe original. Alors, bon, peut-être, mais après, c'est subjectif. Je comprends pas. Enfin, si ce jeu-là, il est chroniqué, il y a plein de jeux mobiles qui sont un milliard de fois mieux que celui-là, qui ont le même mécanique et personne n'en parle. Mais regarde... Mais parce que c'est sur Switch, on en parle. Tu vois, c'est pas normal. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal que les gens parlent de jeux-là. Mais si tu parles de jeux-là, il y a plein de jeux mobiles auxquels tu dois parler. Tu peux pas laisser quasiment tous les jeux mobiles qui défoncent de côté et parler de ce jeu-là sur Switch. Moi, c'est pas normal. C'est pas normal. J'aimerais, pour s'acheminer vers la conclusion, parler d'un exemple. Et quand j'en parlais, tout le monde me regardait un peu comme un ovni. Il y a déjà bien peut-être 5-6 ans déjà. Je sais pas si tu connais, je t'en avais déjà parlé, de l'éditeur Kerosoft, donc éditeur japonais qui fait beaucoup de jeux sur mobile. Voilà. Très pixel art, très mignon et toujours avec des principes. Alors, c'est pas des free-to-play parce que c'est un jeu que t'achètes clé en main, quoi. Enfin, l'achètes. Ils sont pas très chers en général. Ouais, c'est des sims en fait. C'est des sims. Et moi, je les ai découverts avec Game Dev Story. Moi aussi, bah, comme tout le monde. Qui est sorti en. Alors, c'est peut-être 2011, je sais plus. Ah, c'est vieux. Donc, simulation de studio de jeux vidéo. Quand j'avais téléchargé ce jeu, cette année-là, c'est le jeu où j'avais eu le plus d'heures. C'est le jeu qui m'avait coûté le moins cher. Et c'est le jeu, je ne lâchais pas. J'en parle à tout le monde autour de moi. J'y jouais tout le temps. Moi, je bossais avec. C'est plus vieux parce que je bossais encore pour une boîte de jeux. Donc alors c'était peut-être 2009-2010 ou je sais pas. Et tout le monde y jouait, moi, dans la boîte. Hein. Moi, j'y jouais donc, à l'époque, j'avais pas d'iPad parce que j'avais pas les moyens. J'y jouais donc sur mon vieil iPhone 3G, 3GS. Pareil. Et je ne l'ai pas lâché. Et après, ensuite, régulièrement, je me fais des jeux Kerosoft. Alors maintenant, sur tablette, c'est encore plus. C'est encore en mode de luxe, quoi. Mais c'est un éditeur qui est pas connu, à part par des initiés comme nous, qui font pour une petite poignée d'euros. Je trouve qu'ils font des jeux qui vont peut-être t'occuper, mais mille fois plus que des jeux que tu vas payer 60 boules. Et encore aujourd'hui, ils sont pas arrivés. Je veux dire, ça fait pas mal d'années qu'ils sont dans le truc maintenant. Je les ai jamais vus dans la presse. Je les ai jamais vus chroniqués. Moi non plus. Ni dans la presse, même dans la presse papier qui parfois teste des jeux un petit peu plus pointus au niveau indé. Je les ai jamais vus là. En clair, je serais pas tombé dessus. Je sais même plus comment je suis tombé dessus. Peut-être quelqu'un qui m'en a parlé, ou je ne sais même plus comment je suis tombé dessus. Mais tu vois, c'est pareil. Je serais passé à côté. Ils ont sorti des simulations. Parce que moi, bon, mon préféré, ça serait Game Dev Story, mais j'ai joué une simulation de galerie marchande, une simulation de commande d'RPG médiéval où tu gères ton village et des attaques de monstres et tout. Et regarde. C'est des jeux fabuleux. Un exemple, regarde, je suis sûr que tu n'es même pas au courant, tu sais que Game Atelier, ils ont fait un shoot sur mobile, il y a quelques années. Comment il s'appelle ? Alors, c'est un truc avec des pirates, je crois, de genre de l'espace un peu. Ouais, bah non, tu vois, je suis pas au courant. Avec des aliens. Tu sais qu'ils ont fait un shoot sur mobile. Alors, peut-être qu'encore une fois, chez GK, ils en ont parlé, je pense. Franchement, je l'ai vu nulle part. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est, ils ont bien fait, que j'avais acheté d'ailleurs, qui était cool. Ils ont fait un shoot sur mobile, qui était très sympa. C'était des séries de petits niveaux courts. Voilà, c'était pas comme d'hab, hein, c'est pas jeu du siècle, mais c'est un bon jeu. Moi, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y avait des jeux indés français que j'ai découvert. Mais regarde, attends, je crois qu'ils ont fait un jeu aussi, une simulation de caissière, je crois. Je l'avais pris aussi. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Une simulation de caissière de supermarché. Je crois que c'est le mec qui avait fait Sunflower, que moi j'ai adoré. Je sais plus qui a développé le jeu, enfin qui a fait le game design, mais en tout cas, je lui ai dit, j'ai adoré son jeu, j'ai trouvé ça super. C'est vraiment Game & Watch amélioré, quoi. Et le jeu de caissière, c'est pareil. C'est le même mec, je crois. Il me semble pas, parce que Sunflower, c'est peut-être le même éditeur, enfin le même studio, mais Sunflower, on parle de du jeu où il faut faire pousser des fleurs là avec le soleil et de l'eau. Bah, ça, c'est un jeu du Docteur Lacave. Bah, je crois que c'est lui qui a fait le jeu avec la caissière. Alors la caissière, je sais pas, mais je sais que à l'époque où il bossait dans IG avec nous, il m'avait parlé de ce projet même avant que ça se fasse, quand il était encore parlé. Parce que c'est vraiment un bon jeu. Et lui, il a fait le GD, en fait, c'est son projet. Ouais. Après, celui avec la caissière, je ne sais pas si c'est lui aussi. Bon, en tout cas, c'est un bon jeu aussi, mais je l'ai vu passer nulle part. D'accord. Non, mais... j'ai l'impression d'être un des seuls à y avoir joué. Quoi. C'est triste, c'est quoi. Dommage, quoi, parce que... que c'est des super jeux, quoi. C'est pas normal, franchement. Ouais, ces jeux-là, ils seraient sortis sur Wii, tout le monde en aurait parlé. S'il y avait eu un commercial, la con, là, quand elle fait « Regardez, le jeu, c'est bien, c'est révolutionnaire », avec une plaque en jouant du violon et en montrant son fion, les gens en auraient parlé. Mais comme t'es des développeurs, t'es des matheux, des artistes, personne parle de toi, quoi. Après, il y a des miracles qui arrivent où t'as des jeux sortis de nulle part qui se font remarquer, mais là, c'est le coup de bol, quoi, voilà. C'est quelqu'un... une structure déjà, déjà établie qui remarque... ton jeu, et puis hop, après c'est parti comme en 40, mais c'est vrai que bon, ça après c'est un peu la success story, mais qui arrive pas non plus à tout le monde, et c'est pas évident, parce que parfois d'avoir l'impression d'avoir sorti un bon jeu, et pas qu'une impression, si t'as des bonnes reviews comme c'est votre cas aux États-Unis, etc., et de voir que dans son propre pays d'origine on en a quasiment rien à secouer, ce qui est compliqué, c'est terrible, c'est un climat. C'est un climat général, parce que tu n'as pas l'impression d'être spécialement soutenu par la presse généraliste. En fait, tu n'es même carrément pas soutenu, à part, comme je te disais, une poignée de gens consciencieux. Donc, je ne vais pas constamment les citer, hein, comme d'hab. Hein, voilà. Mais en plus de ça, tu n'es pas aidé par l'État non plus. Quand tu gères une société de jeux vidéo en France, c'est compliqué, quoi. Parce que tu as l'impression que l'État a envie que tu crèves, et en plus, la presse n'est pas derrière toi non plus. En fait, tout est fait pour que tu changes de pays, quoi. Tu sais, je comprends tous les studios qui ouvrent au Canada, parce que c'est normal. Parce que l'État veut que tu crèves, ils n'ont pas envie que tu embauches, ils n'ont pas envie que tu fasses d'argent. Et en plus de ça, tu as la presse derrière qui ne te soutient pas. Oh, putain, merde, sérieux. Vous le dites. Parce que là, concrètement, tu me dis après, tu ne vas pas plus loin si tu ne veux pas en parler, mais concrètement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, la survie de Storybird Games, elle a tenu à un contrat externe que tu as réussi à choper en parallèle, une presta, quoi. Des prestas, ouais. Bah, voilà. C'est toujours un peu le cas. Hein. Ça a toujours été un peu le cas. Storybird n'est pas en vie grâce à ses jeux. Ne survit pas grâce à ses jeux. En tout cas, pas encore. Pas en partie. Pas encore. Bientôt, c'est bien parti, mais pas encore. Non, c'est pas suffisant. Et non, alors, non, là, parce que là, on c'est est pas qu'une question de vente. C'est pas qu'une question de vente, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Non, on est le pays des taxes. Vu que l'État prend quasiment, je vais pas rentrer dans les chiffres, mais ils prennent tellement que c'est pas suffisant pour vivre. Bah forcément, tu crèves. Et puis même après, quand l'État veut bien t'aider, ce qui a été le cas pour nous, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, parce que c'est leur rôle, eh ben, comme ça, arbitrairement, au bout de 3-4 ans, ils viennent te dire « Oh, finalement, on n'a plus envie. Et puis, bah, il va falloir que vous fassiez des papiers. Voilà. Et puis, faites une documentation pour expliquer ce que vous faites depuis 3 ans. Même si on vous aide, hein, depuis 3 ans. Là, on a décidé d'être chiant. Donc, c'est comme ça, il faut faire des documentations, il faut faire des rendez-vous pour montrer encore ce que tu fais, etc., alors que tu l'as déjà fait, parce que l'État ne veut pas payer, l'État ne veut pas aider. Et tu sais, quand tu as ta propre banque qui t'appelle pour te dire qu'il y a plein de sociétés qui sont dans ton cas et qu'il faut s'attendre à ce que ça soit la merde parce que l'État ne veut plus payer, quand c'est ta banque, je ne sais pas si je te l'avais dit ça. Oui, tu m'avais expliqué. Ouais. Quand ils t'appellent pour te dire que faites gaffe les gars, il faut assurer vos arrières parce que l'État ne veut plus aider, ne veut plus payer, même si on est dans nos droits, hein. Bah t'es dans la merde quoi. Sais-je. Si t'as pas de presta, si tu fais pas un peu de beurre, etc. Tu sais qu'au niveau des cotisations, tu paieras plus que Carrefour, tu paieras plus que le reste parce que eux ont des équipes, pareil comme d'hab, hein, c'est un autre parallèle, mais eux copinent avec l'État et ont des privilèges et les PME en ont pas. Les PME y ont droit, mais c'est un champ de bataille pour y avoir accès. Et si tu essaies de le faire toi-même en étant honnête, ce qui s'est passé, bah t'es dans la merde quoi. C'est ce qui s'est passé pour nous et t'es dans la merde. Si tu n'as pas un petit peu de corruption, si tu ne passes pas par des boîtes privées pour avoir accès à ces financements, si tu ne connais pas les gens qui s'en occupent, si tu lâches pas un petit billet sans vouloir, voilà. C'est toujours pareil, malheureusement. Bah c'est de la chance. Si tu y arrives, c'est de la chance. Il y a des aberrations dans ce pays qui sont... Tu vois, je vais faire une toute petite... C'est à tous les niveaux. Il y a des choses qui sont vraiment rageantes. Juste pour faire une petite parenthèse, tu vois, ben moi, j'ai un enfant autiste Asperger. C'est-à-dire que, normalement, il devrait avoir une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, donc qui le suit, qui est là pour l'aider à l'école. Voilà, pour l'aider au-delà de ses troubles, de bien suivre, etc. Bon. C'est une bataille qui n'est jamais gagnée, en fait, puisque nous, on a réussi à obtenir quelqu'un. Mais... Tous les ans, il faut refaire un dossier. On n'a pas le nombre d'heures qui a été demandé par le professeur qui le suit à l'hôpital Necker. Donc on est bien au-delà. On est bien en dessous, je veux dire, pardon, du temps horaire voilà, qui est demandé. Là, l'auxiliaire de vie scolaire qui est en ce moment, il s'entend très très bien avec, elle est super. Mais c'est au bon vouloir de l'État. On ne sait pas si l'année prochaine, ils vont dire non, bah maintenant... c'est fini, ce sera une autre parce que ça ne doit pas dépasser 3 ans de contrat. Après, je rentre pas dans les techniques. Hein, parce que... Non, mais voilà. Je pense qu'il faut bien se rentrer en tête qu'on est dans un pays qui veut bomber le torse. On est dans un pays qui veut faire genre, il y a du pognon chez nous. Mais il faut bien comprendre que l'État est pauvre, très pauvre. Oui, mais enfin, comme en Italie et comme au Portugal. Oui, non, mais attends, justement, il est pauvre, mais ça dépend pourquoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que juste pour finir, vite fait, je suis hors sujet, je suis désolé, mais ça me fait penser à toutes ces aberrations en fait en France. C'est qu'en fait, là, tout se passe bien avec cet auxiliaire de vie scolaire. Bon, eh ben, tous les ans, il faut refaire un dossier, tous les ans, il faut rejustifier, et tous les ans, il faut se battre pour qu'elle soit maintenue. Un pays comme l'Italie, par exemple, qui est en retard sur plein de choses. On peut le dire, parce que nous, on est d'origine italienne, hein, donc c'est pas du racisme. C'est le Moyen-Âge. On est même plutôt chauvin sur certaines choses, mais il faut reconnaître quand des choses ne vont pas. Et ben, quand j'ai vu un reportage sur comment les enfants autistes étaient accompagnés dans les autres pays d'Europe, en Italie, tu as une auxiliaire de vie scolaire, c'est signé, elle t'accompagne. Enfin, il ou elle, selon si c'est un homme ou une femme, mais t'accompagne toute ta scolarité. Voilà, c'est comme ça, parce que ouais. L'enfant, il a le droit d'aller à l'école, il a son auxiliaire de vie sur toute sa scolarité. Je veux dire, de sa primaire jusqu'à la fin du lycée. Ça paraît évident. En France, il faut que tous les ans, c'est le stress, se battre pour voir s'il y a assez d'enveloppes, pour avoir ne serait-ce qu'un petit pot de miettes, pour avoir un petit pot d'heure pour ton enfant. Mais tu sais, voilà, comme d'hab, comme tu dis, Et ça se trouve à tous les niveaux de la société. Ça se reporte, voilà, sur les entreprises. C'est à l'image de notre pays, quoi. Voilà, sur les entreprises, il y a la technologie. Moi, je suis désolé pour la petite parenthèse, mais ça me faisait penser à ça parce qu'il faut se battre, quand t'es plein de bonne volonté dans ce pays, il faut se battre constamment. Ouais, parce que c'est mort quand même. C'est foutu quand même. Et moi, je comprends qu'il y en a qui foutent le camp, mais moi, le premier, je te disais. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais au-delà de raisons familiales, tout ça, parce que c'est normal. Ton épouse a aussi sa famille en France, elle est plus ou moins attachée à sa famille, ça dépend après les cas. Mais c'est vrai que combien de fois je te disais, putain, mais qu'est-ce que t'attends pour aller vivre au Canada, quoi. C'est vrai que en étant lucide, moi là, je parle vraiment en tant que chef d'entreprise. Si je suis lucide, je dois pas rester en France. Mais oui. Je peux pas rester en France. Bah, c'est l'un des sujets de cette campagne présidentielle. Mais on est tenu par les couilles. Par la famille, par... Oui, voilà, mais je veux dire, c'est même l'un des... Bon, la campagne présidentielle, c'est une grosse mascarade, bon, on ne va pas rentrer dans la politique, ouais. Mais c'est toujours un des sujets qui revient au centre des débats, c'est que tu as plein de créateurs français absolument géniaux. On est quand même un pays très, très créatif. Ouais. Donc, il y a deux cas. Soit le mec, il a une super idée, on lui met des bâtons dans les roues, et puis ça crève à petit feu, soit il se barre. Soit il réussit parfois, mais bon, là, il y a quand même des belles histoires. Mais voilà. Que si Storybird ferme un jour, ça, ce sera à cause de l'État. Il faut bien comprendre ça, hein. Ce ne sera pas à cause de Storybird. Parce que, une fois de plus, c'est... Après, ça, c'est... je vais pas rentrer dans les indiscrétions professionnelles, ça, c'est les petites affaires de Storybird, mais on n'a jamais fait autant d'argent. Jamais. Jamais, jamais, jamais, c'est, jamais. Ce qui veut dire, c'est que vos jeux fonctionnent. Ouais, nos jeux fonctionnent. On n'a jamais gagné autant d'argent. Mais on est entre deux. On est entre la société moyenne, ce qui est notre cas, en termes de chiffre d'affaires. On ne fait pas assez, si tu veux, pour qu'au niveau des cotisations et des charges, ça soit pas trop impactant. Tu comprends ou pas? Ouais. Chez nous, soit t'es mort, soit t'es très gros. Mais très gros, hein. Soit, quand, je te parle quand vraiment c'est de l'autofinancement. Hein. Donc t'es obligé de facturer. T'es obligé de facturer de la presta. Si t'as pas de la presta, t'es mort parce que c'est pas suffisant, tu vois. Que quand t'as deux développeurs, quand t'es que à deux, admettons, que à deux ou à trois et que tu te payes un peu plus du SMIC, si tu fais 10 000 balles par mois, c'est just, quoi. Mais tu te rends compte, 10 000 balles par mois? Non, mais franchement. Je pense que les gens, eux, peuvent s'en rendre compte. L'État ne s'en rend pas compte parce que 10 000 balles, c'est la valeur de leur ticket resto. Mais c'est pas normal. C'est pas normal de devoir faire des sommes aussi énormes pour vivre, pour survivre à si peu. Oui, parce que, je sais pas si on peut le dire, mais je couperai si tu veux pas, mais tu as été obligé de licencier des personnes ces derniers temps. Non, alors c'est pas des licenciements, c'est Des ruptures de contrat. Ouais. Voilà, j'étais obligé de rompre des contrats pour prévoir de payer moins de charges l'année prochaine, alors que c'est des gens qui vont continuer à travailler pour nous. C'est juste que, quitte à payer des charges, je préfère payer des charges sur des prestataires et pas payer des charges patronales l'année prochaine. Comme ça, j'anticipe, si tu veux. Je stoppe l'hémorragie. Ouais. Donc, j'étais obligé d'envoyer un signal fort à la banque pour leur dire, bon, il y a des sous qui tombent, ouais. L'État n'ont apparemment plus envie de nous soutenir. Alors au début, il y a un an et demi, quand je leur ai expliqué que l'État allait plus nous aider et financer, entre guillemets, enfin rembourser pas mal de charges à la société, comme ça, de façon complètement arbitraire, parce qu'ils ont eu envie, ils avaient du mal à y croire. Et puis finalement, quand il y a à peu près, je parle en région Touraine, hein, il y a pas mal de boîtes qui font de la techno, et quand ils ont eu à peu près 200 boîtes qui ont contacté la banque pour dire « putain, c'est la merde », ils veulent plus rembourser. Bon, bah là, la banque m'a appelé, quoi, pour me dire merde, effectivement, quoi, c'est la merde. Hmm. Donc, à tel point, enfin, tu vois, comme et là, quoi, quand t'as un coup de fil comme ça, là, c'est tu mouilles les couches, là. Ouais, et c'est à tel point que les banques prévoient des solutions de financement pour les sociétés comme la nôtre qui attendent après les remboursements de l'État. Parce que c'est tellement un fléau qu'ils ont carrément fait des formules pour les sociétés. Tu te rends compte jusqu'où ça va? Ouais, d'accord. Ils profitent pas parce qu'ils gagnent rien là-dessus. Parce que c'est pas dans l'intérêt de la banque, tu vois, que les boîtes ferment. Pas du tout. C'est pas du tout dans leur intérêt. Donc, ok, l'État veut pas payer. Bon, allez, on joue tout pour le tout. On vous file un peu de pognon en attendant, quoi. Tu vois. Donc, nous, on y a droit, comme plein de sociétés françaises liées aux technologies y ont eu droit. Mais faut bien comprendre qu'on est dans un pays où l'État ne veut plus donner d'argent. Ils veulent gagner. C'est aussi manichéen que ça, parce que c'est vrai. La vie, c'est comme ça. Faut arrêter de dire non, c'est du complot. Non, c'est vrai. Ils veulent garder le pognon. Point. Ils veulent garder le pognon pour leur gueule. Donc du coup, les petites sociétés comme la nôtre, on n'est plus aidés. On est harcelés par URSSAF, RSI, TVA, etc. Le RSI. L'étranger ne veulent pas travailler avec nous parce que dès que tu commences à facturer et que tu mets ta TVA à 20%, ils t'envoient chier. Hein. Moi, j'avais plein de prestataires américains. Tu vois, pour raconter une petite histoire, je devais bosser avec le mec qui a fait les musiques de Fez. Bah, Disaster Peace, oui, je me souviens de ça. Pour Fading Teddy 2, je m'en rappelle très bien ça. Je vais bosser avec lui. Quand il a vu la TVA, il a fait « Je suis désolé, c'est mort ». C'est pas possible. Le mec, il me propose tant de dollars. Moi, je mets 20% de TVA. Il fait « Mais non, attends. » Tu vois, c'est... Ouais. Ça me revient trop cher. Dès que je mets 20% de TVA, il me dit « Putain, ça fait beaucoup facturer. » Et moi, je me dis « Bah non, je peux pas, parce qu'avec les 20%... » Enfin, tu vois, je m'y retrouve pas. On peut pas... La TVA qu'on a, ne permet pas de bosser avec l'étranger, ou alors c'est vraiment avec des grosses boîtes, etc. Mais entre indés, c'est impossible. Ou alors c'est... Bon, c'est de la magouille, quoi. Tu vois, tu mets pas de TVA, tu fais un calcul, enfin, t'es pas propre, entre guillemets. Ouais, bah t'es risque et péril après, quoi. Voilà, sauf qu'après, quand t'es contrôlé, parce que comme nous, on avait le soutien de l'État, t'es contrôlé tous les 3 ans par un contrôleur fiscal, ce qui est tout à fait normal, hein, l'État. Oui, ça, c'est normal, oui. Donc il vérifie tout. Donc normalement, si toi t'es propre, si t'es bien dans tes pompes, il n'y a aucun problème, ça va très vite, c'est ce qui s'est passé là. Mais après pour avoir de nouveau droit à nos remboursements de charges, etc. Et ben c'est des papiers. Et puis ils te disent non, finalement, la nomenclature, on veut pas des grands A et des petits A, on veut des grands A et des petits A. Donc ils te la renvoient. Donc tu dois changer la nomenclature. Tu la re-renvoies et tu re-attends un mois et demi, etc. Ce qui fait qu'avec les allers-retours, tu as à peu près 6 ou 7 mois de documentation, mais pendant ce temps-là, la boîte, elle avance tout. Hein. Bon, alors juste pour faire pour que les gens comprennent bien, juste pour faire un comparatif, par exemple, là, imagine Finding Teddy 2, Guns of Mercy, etc. Là, tu serais au Québec. Ouais. Tu aurais sorti tout ça au Québec. Financièrement, quel aurait été le... Et financièrement, je parle pas vraiment purement pour l'argent, mais pour la santé de la boîte, en fait. Qu'est-ce qu'aurait vraiment changé et à quelle proportion ? 40% des charges de la société seraient remboursées par l'État tous les ans. 40%. Hein. Je parle bien de 40%. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, une société... ça veut dire que si tu dépenses 100 000 euros, à la fin de l'année, l'État te donne 40 000. Te rembourse 40 000. Tu te rends compte de la proportion que c'est ? Ici, tu dois baisser ton froc pour avoir 20%. Mais baisser ton froc, hein. Voire faire des pots de vin, passer par des sociétés un peu louches, etc. Pour avoir 20%. Sachant que il y a moins de charges, hein, au Canada. Ah bah oui. Chez nous, il y a plus de charges. Bah on est le pays des charges, hein. De cette façon. Donc, même si nous, on remboursait 40%, admettons, des charges, ça représente moins que le Canada quand même. Donc, te demande pas pourquoi tout le monde se barre. Parce qu'entre les financements locaux au Canada, genre la ville de Montréal qui fait des appels à projets tous les ans, je crois que c'est même plus que tous les ans. Et puis tout le monde s'y retrouve, ça bénéficie autant à la ville qu'à ceux qui vont s'y installer. Quoi. Okay. Ça embauche à tour de bras, ça crée des richesses, ça crée de l'emploi, etc. Chez nous, c'est tout l'inverse. Chez nous, tu ouvres une boîte, le but de l'État, c'est de prendre le plus possible. De prendre et de jamais donner. Jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est jamais. Et ce qui est incroyable, c'est que quand eux te doivent de l'argent, il n'y a plus personne. Tu peux jamais avoir quelqu'un au téléphone, là, comme c'est le cas pour nous. Oui, parce que toi, t'attends. Ça repousse constamment, l'échéance. Et puis toi, t'as 50 balles de retard sur l'URSSAF, parce que je sais pas, t'as fait une faute de frappe ou une connerie comme ça. Ou d'inattention, ça peut arriver. Ou d'inattention, t'es harcelé tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça le pays dans lequel on vit. Donc en fait, on est dans un pays où on veut absolument pas que les gens entreprennent, on veut absolument pas que les gens arrivent à un succès, et que t'es obligé de bosser avec des boîtes étrangères, avec des gros éditeurs qui ont, eux, ont du pognon puis des plombes, pour pouvoir survivre. Alors qu'on est le deuxième plus gros pays créateur de jeux vidéo. Tu crois que c'est normal ? C'est ouf. En fait, c'est marrant parce que le gouvernement, on est dans un gouvernement qui connaît pas le pays dans lequel il gouverne. Et puis très souvent aussi, ils ne nous connaissent pas, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient beaucoup là, chez les différents candidats, même s'il y a 2 chances sur 3 qu'on nous la mette à l'envers au bout du compte, comme d'habitude. Mais tu vois, moi, je suis là pour l'instant. Là, je ne peux pas trop parler de mon statut en ce moment, voilà. Mais moi, je suis en indépendant. Bon, autrement dit, quand je ne fais pas rentrer d'argent, j'ai droit à rien. Ouais. On est d'accord ? Bon, là, moi, ça fait des mois que je vis sur le pot d'économie que j'avais réussi à faire. Parce que là, c'est un peu long à expliquer, mais là, il y a une période où pendant quelques mois, voilà, je ne déclare rien parce que je gagne zéro, vraiment zéro tous les mois, parce que je suis dans une phase de transition. Ok. Bon, mais j'ai le droit à rien. Je n'ai le droit à rien du tout. C'est-à-dire que dans ce pays, que tu montes ta boîte ou que tu es indépendant, sachant que c'est des cas qui sont extrêmement fréquents maintenant parce que l'économie a changé, le monde du travail a changé, on est de plus en plus nombreux à se retrouver, quel que soit le secteur, en tant qu'indépendant, en tant que patron de petites structures comme c'est ton cas, etc. Et tu as l'impression que tout est fait pour que tu crèves. Pour que tu crèves, voilà. Tout est fait pour que tu crèves et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est rendu parce que payer des charges, moi, ce n'est pas un problème. Mais du moment que je vois où ça va et qu'on ne se fout pas de la gueule derrière, tu payes des charges et puis derrière, on te crache à la gueule, il n'y a personne pour t'aider, tu passes un coup de fil, il n'y a personne. Il y a tout qui se dégringole, les écoles se dégringolent, tu veux te faire soigner, c'est impossible, c'est la croix et la bannière. Enfin, tu vois, il y a plus rien qui fonctionne, quoi. Et toi, tu vas faire un impair, bah, mon pote. On te défonce, quoi. Ah, mais c'est clair. Oh, mais criminel de guerre. Hein. Moi, je peux te dire que la fois où j'ai reçu, au début, quand je m'étais mis en indépendant, je m'étais trompé un petit peu pour faire une déclaration, je m'étais trompé de... Je crois que d'un mois, j'avais mis le mauvais mois, en fait. Voilà. Bon, ça s'est arrangé après, mais la première fois que j'ai reçu un coup de fil de l'URSSAF, Putain, je peux te dire que je fouettais du calfouette. Hein. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire, quoi, tu vois ? Ouais, alors que, bon... Bon, ça s'est arrangé, parce que j'étais pas en tort. Au contraire, non, c'était même par excès de bonne foi qu'il y avait eu un petit... Non, et puis, faut dire une chose, c'est que, bon, généralement, pour être en contact avec l'URSSAF depuis 2008, quoi, donc ça va faire quasiment 10 ans, ils sont quand même très arrangeants, quoi. Enfin, ils sont quand même... Oui, mais je me souviens quand même de certains... Après, si tu tombes sur un connard, témoignage, notamment de Romain. Je me souviens, il avait pas eu des problèmes avec eux. Je me souviens d'un témoignage qu'il avait mis sur Facebook où il était en train de péter un câble parce qu'il lui réclamait des sommes. Le problème, c'est que, bon, alors déjà, l'URSSAF prend beaucoup. Il ne devait pas lui réclamer. Non, mais c'était des erreurs, apparemment. Oui. Par contre, c'est clair qu'en termes d'informatique, ils sont encore en 1913. Du coup, il y a beaucoup de bugs. C'est vrai que des fois, nous, ça va. Donc, il y a une année, c'était en 2016, il y a eu un bug. En fait, il y a pas mal de sociétés qui ont été ponctionnées 3 fois d'affilée la même somme. Sauf que quand tu es un indépendant ou quand tu es, tu es artisan, tu vas plombier, un truc comme ça, vu que déjà les sommes sont juste mais complètement irréalistes. Hein. Ce qu'on te demande de payer l'URSSAF, ça n'a pas de sens. Hein. D'ailleurs, c'est injustifiable. Hein. Ils n'arrivent même pas à justifier eux-mêmes. Hein. Voilà, pour te dire à quel point c'est des sommes assez folles. Comme si tu es ponctionné 3 fois et que tu n'as pas la trésor sur ton compte, c'est Banque de France direct. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ils ont foutu la merde. Ça s'est pas mal ébruité, mais en 2016, ils ont foutu la merde. Hein. Pour les petites sociétés. Nous, ça va, on a eu une grosse prestation de payer. Donc du coup... Oui, mais c'est ça, tu ne ferais que du jeu vidéo. Et je précise, des jeux qui fonctionnent. Parce que le tout, que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est pas de se plaindre en disant « Ouais, comment... » Parce que se plaindre quand son jeu ne fonctionne pas, bon, ce serait ridicule, parce que ça fonctionne pas. Ah, c'est de ta faute un peu. T'as voulu jouer, t'as perdu. Voilà. Bon, c'est Si tu veux, des c'est... jeux qui marchent pas, on en a fait. Hein. Ces jeux, voilà. Mais là, tu as des jeux qui fonctionnent. Et là, dernièrement, je sais que l'État va. Mais tu ne vis pas. Tu peux pas maintenir la boîte à flot grâce à ça, quoi. Non. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Non, non, non. Bientôt. Tu fais énormément de prestations en parallèle. Je suis obligé. Voilà. Pour des groupes, importants. Et ça, c'est ce qui t'a sauvé. Heureusement. C'est ce qui te sauve. Ouais. Ouais, tu sais, c'est ce qui a fait vivre Arkedo longtemps. Je pense que Game Atelier en font aussi, mais on n'en parle pas parce que si tu le fais pas, putain, c'est. C'est pour ça que c'est pas, moi, c'est je pas peux possible si tu le fais pas. Je peux comprendre, au-delà de toute considération familiale, quand il faut faire vivre ses gosses et que pour ça il faut te barrer à l'étranger. Bon, surtout comme pays étranger, je veux dire, Canada, bon, c'est quand même c'est super. Tu vois, quand c'est le contrôleur. C'est un pays qui m'a toujours attiré, moi. Mais je veux dire, bon, voilà, je comprends que beaucoup partent. Hey, Bruno, quand c'est le contrôleur fiscal, le dernier rendez-vous. Qui te le dit, ouais. J'ai eu avec lui, où je me suis un peu énervé, j'ai tapé la main, je me souviens, j'ai tapé carrément sur la table et tout, je commençais à péter les ponts. Oui, parce que connaissance, ça a dû être. Non, mais parce que au bout d'un moment, quand on se fout de ta gueule ouvertement. Oui. Non, mais déjà que de base, t'es pas un grand calme. Voilà, que ce soit l'État ou quelqu'un d'autre, il a mon poing dans la gueule. Bon, là, le contrôleur fiscal, c'est pas lui, tu vois. Mais quand. On va taper Chuck Norris. Il y avait un truc de nomenclature, un petit souci de nomenclature, tu vois, sur la dernière version de la documentation. Parce que ces messieurs, si c'est du JPEG, ils veulent pas ouvrir. Si c'est du PNG, ils veulent pas ouvrir. Faut que ça soit du PDF. De tel truc, de tel format, de tel machin, faut pas que. Ils veulent pas de rouge sur la typo, ils veulent pas de ceci. Enfin, voilà. C'était une nomenclature complètement dingue qui est là uniquement pour gagner du temps, évidemment, et pour filtrer. Et que là, la dernière version de la doc, on me la refuse parce que dans le CD, parce que c'est sur CD noir inscriptible, etc., tu peux pas filer ça sur une clé USB ou par mail, blablabla. Ils veulent pas. Hein. C'est le Moyen-Âge chez nous. C'est un CD-ROM écrit CEDE. Hein, tu vois. Déjà, rien qu'en l'entendant, déjà, moi je suis déjà fatigué. Bref, sachant qu'à chaque fois que tu fais des versions, tu attends 2 mois, hein, évidemment, pour avoir des retours. Et tu as plein de documents à filer. Et là, sur le dernier CD que je file juste les mises à jour. Et puis le contrôleur fiscal, il me dit « Je suis désolé, mais il faut remettre tous les documents qu'ils ont déjà eus dedans aussi. » C'est sur rendez-vous, hein, faut y aller sur place et tout. Je me déplace en bagnole et tout. Voilà. Je fais comment ça ? Depuis l'été 2016, ils ont les documents. Pourquoi ils me les redemandent ? Bah non, mais les CD, il faut remettre tous les documents. C'est comme ça, c'est la loi. Et que je dois retourner chez moi, remettre les documents dans le CD et reprendre rendez-vous pour lui filer le CD et que ça repousse encore d'un mois et demi, j'ai dit, mais attendez, mais vous vous rendez compte que là, on est en train de crever à cause de vos conneries alors qu'on n'a jamais fait autant d'argent, tu sais, je me suis énervé. Et j'aurais expliqué que je regrette, parce que ma comptabilité, mes deux services compta, le service compta à Paris et le service compta donc en région centre, les deux, hein, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit « Pourquoi vous n'avez pas ouvert en Chine ou au Canada ?» Les deux services compta. Ah, bah ouais. Tu te rends compte, c'est des services compta qui te disent ça, français. Et là tu vois le malaise, bah, c'est clair. Et là, il me regarde en me disant « Bah, genre, ouais, je sais, quoi. » Genre, parce que lui, il est cool, hein, le contrôleur fiscal. Enfin, au bout d'un moment, on a fini par sympathiser, tu vois, qui s'occupe de ça. Bah, je pense que ton cas, il doit le rencontrer très souvent. Mais bien sûr. Et il doit avoir au bout d'un moment un peu d'empathie, quoi, je pense. C'est classique. C'est un grand classique. Et puis, il est comme ça, du genre, bah ouais. Son regard, c'était, bah ouais. Désolé, quoi. C'est pour ça que tout le monde se barre, quoi, tu vois. Ouais, mais ouais. C'est pas normal, putain. C'est. Tu crois, franchement, c'est. Enfin, moi, ça. Ça me rend ouf. Donc j'attends qu'une chose, c'est que la société soit rentable et pérenne toute seule, même tu vois, hors prestation. On devrait y arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, mais il faut serrer les dents. D'ici là, il faut serrer les dents. Et voir les nouveaux choix politiques qui seront peut-être apportés, mais bon, je sais qu'il ne faut pas porter trop d'espoir là-dessus. Mais bon, moi, je n'ai pas d'espoir là-dessus. Et comme je n'ai pas d'espoir sur nous, nos remboursements, je pense qu'arbitrairement, ils auront décidé que, voilà, ils ne nous aideront plus. Et puis on devra passer ailleurs, passer par autre chose, pour être aidé. Il y aura toujours d'autres trucs, tu vois. Voilà, c'est juste que, en fait, on est dans un étau et tout est tellement long. C'est surtout ça. Le vrai problème, c'est ça, c'est que qu'il y ait des contrôles, que des fois que tu sois victime du caprice, tu vois, des agents que tu as en face de toi, parce qu'ils n'ont pas envie, de façon complètement arbitraire, tu vois, de t'aider. Ok, bon, il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. Faut faire avec. Mais par contre, que ça prenne un an et demi, c'est pas normal. Pour trois papiers, quoi. Tu vois ? Ouais. Le vrai problème, c'est pas le fait d'être contrôlé, parce que ça, c'est normal. C'est pas le fait que l'État soit regardant sur leur financement, parce que ça, une fois de plus, c'est normal. Hein. Moi, quand je finance un projet, je suis regardant. Hein. À Guélos, je le finance, je regarde tout. Hein. Je donne mon avis, je fais faire des modifs. Voilà, c'est normal. Par contre, moi, ça prend deux secondes. Hein. Je fais mon taf. Et je fais pas un milliard de papiers avec des CERFA, des mon cul, des je sais pas quoi, et je dois pas draguer. C'est mon taf, François Poraguelo, c'est le sien, et on fait chacun notre boulot et on avance main dans la main. Le gouvernement devrait avancer main dans la main avec ses sociétés. Ben oui, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de tout le monde, et là... Et puis ce qui est grave, c'est qu'au bout du compte, ça impacte forcément... Mais ça impacte l'économie. Non, mais je veux dire... Non, mais on fait de l'argent, ouais. Je dois licencier, tu crois que c'est normal ? Non, mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que ça impacte aussi comment le... l'aspect créatif et artistique. Ah bah oui, parce qu'on est toujours dans un stress constant. Voilà, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, je pense que t'en as bien conscience. Ça impacte aussi les œuvres que vous sortez. Puisque... Ah, Fainté dit 2, il est symptomatique. Oui, il est sorti dans la douleur. Il est vraiment symptomatique de ça, parce qu'en fait, le jeu a un gros coup de cutter dans la gueule, il manque plein de trucs. Tout le système de combat, on était obligé de le foutre à la poubelle, enfin tu vois, alors que du coup on a des combats à la Zelda 2 très rudimentaires, et ça a vraiment porté préjudice au jeu. Il manque une grosse surcouche, hein, sur tout le jeu, qu'on n'a pas pu faire à cause de ça, quoi. À cause de ça, et que bah malheureusement c'est comme ça, et puis bah on peut pas revenir en arrière. Ouais, c'est vraiment. Et on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls. Non, non, justement, attends, tu fais bien de le dire, faut préciser que là, c'est pas genre ouin ouin. Non. C'est moi qu'on attaque tout le temps. Non, non, c'est que vous êtes très nombreux dans ce cas-là. Quoi. Ça atteint même les plus gros. Faut bien. Il y en a qu'on fermé, hein. Faut bien prendre en considération que des jeux comme Sonic Adventure sur Dreamcast, par exemple, si même le 2, tout ça, s'ils sont auto-buggés, c'est aussi parce que ces gars, ils étaient en train de crever à petit feu, que voilà. L'aspect financier et des fois aussi l'aspect administratif, comme c'est le cas pour nous, a un impact très fort. Ouais, mais les joueurs ne s'en rendent pas compte, tu vois, c'est comme... C'est, puis bon, je pense qu'on va... C'est normal. On va s'acheminer vers la fin. Oui. Mais tu vois, c'est même... on parlait en off tout à l'heure des départs de Square Enix. Ouais. Quand tu prends cette bombe atomique de Nier Automata, t'en as qu'on critiquait le fait que techniquement, bon, c'était plus un jeu PS3, voilà, et pas de haut de gamme en plus... qu'un jeu PS4, ouais, mais il faut savoir qu'en fait, que pour faire le créateur de Nier, qui a pas beaucoup fonctionné, qui a un statut culte, le premier, mais qui en termes de vente a vraiment pas fonctionné du tout, pour faire Nier Automata, il a eu un budget vraiment, mais serré de chez serré, ouais, c'est-à-dire que ça doit être le même budget que pour modéliser, tu vois, un personnage d'FF15, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, et bon, quand on voit la merveille qu'il a sorti, c'est pas grave que parfois ça rame un peu, que ça aliase, que les décors soient pas très fouillés. Le jeu est tellement bon, il est tellement fait avec amour, ça se sent. Et on sait qu'il a pas eu le budget. Bon, bah, tu vois, c'est pas... C'est... Et puis bon, le jeu cartonne, c'est une grosse surprise, donc ça, je suis vraiment très content. Mais c'est que les conditions dans lesquelles les jeux sont faits, le budget, tout ça, ça impacte énormément un jeu, quoi. Et alors en France, dans un pays qui est malade comme le nôtre, plus que jamais, quoi. Ben, c'est très, très bien. T'as des studios français qui faisaient des excellentes choses. Bah, Arkedo. Moi, c'est le meilleur exemple. Hein, Arkedo, c'est... C'était des génies, c'est, quoi. C'était des génies. Voilà. Bah, Aurélien Regard, c'était chez Arkedo qu'il était. Peut-être, oui. Bah, celui qui a fait The Next Penelope. Oui, c'est un ancien d'Arkedo. Ouais. Mais là, il a... D'ailleurs, il a mis une bande-annonce de son nouveau jeu qui va bientôt sortir. voilà. C'est des bons. Quoi, il faisait vraiment un travail. Il méritait pas de crever. Exceptionnel. Bon, bah. Ça, j'avais postulé chez eux, moi. Pix the Cat, c'est Arkedo ou c'est. Non, c'est Pasta. Non, Pix the Cat, c'est Pasta Games. Voilà. Oui, bon. C'est Pasta. Pix the Cat, moi, je l'ai découvert parce qu'il était en gratuit PSN. Arkedo, ça s'est fini après. Elle y est. En gros, voilà. Oui, et d'ailleurs, elle y est, bon... Que j'ai pas trop kiffé, moi. D'après ce que j'ai suivi, c'est que c'est un petit peu aussi à cause de ce qu'avait un peu imposé Sega, que le jeu est devenu un petit peu fouillis comme ça. C'est dommage qu'il y ait vraiment plein de bonnes choses. Enfin bref, c'est encore autre chose, mais je sais que chez Pasta, par exemple, Pix the Cat, moi, je l'ai découvert donc en jeu gratuit PSN+. Ouais. On a adoré à la maison. Mais je trouve que vraiment... Ouais, c'est une nouvelle version de Chouchou Rocket, quoi. Ouais, c'est mi-chouchou. C'est une réinterprétation, quoi. Il y a du Chouchou Rocket, il y a du Pac-Man. Y a du Pac-Man, enfin, ouais. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, il y a des jeux qui sont des jeux indés qui sont loués pour moins que ça. Ouais, moi, je trouvais qu'il... Bon, je sais qu'il est joué d'une bonne réputation, malgré tout, mais... Oui, Le truc, c'est que très souvent, il y a des jeux que je découvre sur le PSN+, des jeux qui sont mis... Et je me dis, mais putain, mais pourquoi ça, on n'en a pas entendu parler plus ben, avant, je sais. Et souvent des jeux français, des studios français qui malheureusement parfois mettent la clé sous la porte. C'est dommage parce que t'as des jeux parfois qui sont encensés à côté, qui sont moins bons. Mais je bon, après il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Effectivement, c'est ça, ouais. Le tout n'est pas de dire que voilà, c'est qu'à vous, vilain petit canard, que ça arrive. Et non, oui, c'est que ça arrive à plein de personnes. C'est non, et puis nous, il y a des sites qui parlent de nos jeux, attention, hein. Enfin, c'est pas, on n'est pas complètement délaissés, il y a bien pire que nous. Hein. C'est... Non, mais je pense que peut-être que si ta colère peut paraître parfois, peut-être... Je suis un peu en colère pour tout le monde. Exagéré, ou peut-être disproportionné par rapport à la situation, c'est peut-être pour dire que quand, déjà, comme tu dis, tu parles pas que pour toi, tu parles pour tous les autres aussi, et c'est vrai que quand on met tout... sa santé, ses économies dans un jeu. Bon, le jeu serait massacré par la critique. Là, ok, il n'y a rien à dire. Oui, mais ça, voilà. C'est pas pareil. Mais là, quand partout... tu fais un mauvais jeu, tu fais un mauvais voilà. jeu. Voilà, ouais. Là, il a été aux États-Unis, il y a des putains de retours. Il y a même Famitsu, quoi, mobile, qui en a fait une super review. Donc, tu vois, je comprends pas, tu vois. Enfin, c'est... Et de pas être, se sentir un minimum soutenu. Le tout n'est pas de faire des émissions spéciales, Guns of Mercy, de faire mais des. Non, mais des... je sais pas, mais juste dans un trailer. Juste... Ouais. Voilà, tu dis le studio de jeux indé français, tiens, ils ont fait un nouveau jeu, tiens, c'est ceux qui ont fait Fantasy qui est dispo sur PS4, etc. Parce qu'après, bah, faut pas déconner, sans faire une review. Mais non, mais je demande même pas une review. Faire trois lignes avec une vidéo. Bon, ça, je veux dire, attends, moi j'étais dans le milieu avant, ça prend vraiment, je veux dire, 3 minutes montre en main. Quoi. Ouais, et puis toi, si tu vas sur les forums pour essayer de parler aux joueurs, regardez, t'as vu, on a fait un jeu, etc. Non, c'est de la pub déguisée, dégage. Tu vois, voilà, t'es pris pour un connard. Ouais, bah de toute façon. Voilà, donc chez nous, c'est comme ça. Si t'essaies de parler de ton jeu, t'es un connard qui essaie de parler de ton jeu. Et puis et quand si tu fais si... un jeu, personne parle de toi. Donc... le truc, c'est que si... Ça spirale sans fin, quoi. Si tu viens parler de ton jeu, t'es un connard voilà, qui veut vendre son truc. Et si on parle un peu trop de toi, on va dire que t'es un vendu. Exactement. Donc c'est du copinage. Donc, mais voilà. c'est très franco-français comme réaction. Mais bien ça. Sûr, bah ça je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, voilà, c'est très franco-français, c'est-à-dire que chez nous c'est comme ça. Dans certains autres pays, voire certains autres continents, tu vas faire un carton, on va dire putain les mecs ils sont défoncés, on est content pour eux. Ici, ouais. On va trouver quelque chose de louche. Ouais, c'est ça. Pareil. C'est-à-dire que et ça c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est partout. Non, non, non, non. Quelqu'un qui va cartonner. Fatalement, il y a Anguille Souroche. Il a baissé son froc, c'est sûr. Il y a un truc, tu vois. Donc c'est il y a un problème. Il y a un problème, tu vois. Voilà, c'est pas normal. Il sait qu'il connaît des gens, etc. Enfin et puis, bon. Et malheureusement, très souvent, c'est le cas. Écoute, ça marche comme ça chez nous. Moi, je pense que À moins qu'il y ait un autre détail que tu voulais. Non. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, là, je vais aller faire à manger. Puis c'est vrai que j'ai une après-midi chargée aussi, comme toi. Écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris que c'était pas une émission en mode bureau des plaintes. Je pense que. Il faut savoir qu'il y a une injustice auprès de la presse. Dans le jeu vidéo, il y a des très grosses injustices et beaucoup de conflits d'intérêts. Et que quand tu es développeur, tu le ressens. Parce que t'es forcément victime, entre guillemets, de ça, et que même en faisant des bons jeux, c'est pas suffisant, il faut, chez nous, c'est comme ça, il faut une équipe marketing, il faut des RP, c'est pas pour rien que, là, je prends le cas de nous, on vit un succès, c'est cool, on est super contents, et tu vois, comme par hasard, t'as plein de boîtes de com qui nous contactent pour dire, vous avez besoin de RP, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour contacter la presse, nanana, pour contacter tel organe de presse, tu vois, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est que c'est la réalité. Et j'aimerais préciser que j'aimerais pas qu'on charge les RP parce que. Non, bien sûr. Ils font un boulot très difficile. Et, moi, j'étais très pote avec le RP de Konami. Moi, j'ai gardé certains contacts. moi aussi. Ouais. Et c'est vraiment, la plupart du temps, des gens vraiment adorables qui se fightent vraiment. Mais il faut bien comprendre que pour eux, c'est carrément. Tu vois, tu te rends compte, c'est carrément dur. Pour preuve. Ils ont une pression énorme. Ils ont une pression, ils ont beaucoup de pression et qu'ils sont obligés d'harceler la presse. Il y a eu des témoignages parfois. On parle des produits sur lesquels eux sont chargés. Il y a eu des histoires d'harcèlement. Voilà. Parfois, je ne sais même pas si c'était jusqu'au prud'homme, mais je sais que j'ai souvent, régulièrement lu des témoignages de RP qui craquaient parce qu'on leur mettait une pression telle. Et puis, c'est pas normal. La presse doit faire son taf. Et puis la note métacritique doit faire son boulot. Elle le parfois, parfois leur job tient la note métacritique. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont développé le jeu. Ils n'ont pas développé le jeu. Ils ont tout fait pour qu'on en parle dans la presse. Si le jeu se fait défoncer, le RP en paye les pots cassés aussi. Dans certaines boîtes, hein, je dis pas dans toutes. Et ça, Ubisoft l'a fait, Square Enix l'a fait. On marche sur la tête. C'est connu. On marche sur la tête. Donc soit on parle pas de toi, soit les RP sont très mal vus à cause de ça. Et le but n'est pas de dire non plus que tous les journalistes font mal leur boulot. Il y en a qui le font très bien. Il y a répété des dizaines de fois. Oui, mais non, mais je sais. Il y a des gens consciencieux, il y a des gens qui font leur travail. Il y a un manque de temps. Qui soutiennent le jeu indépendant français. Il y a un manque de moyens humains, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on voit 25 mails et qu'on te répond pas et qu'on vient juste te parler, quand on voit que le jeu cartonne parce que tel ou tel site va en parler. C'est pour ça que je gueule. Voilà. Ça sert à rien. On est venu vers moi parce que le jeu a marché, se tape des super reviews partout. Voilà. Et là, maintenant, on me répond. Maintenant, on vient vers moi. C'est pas normal. Ça doit pas se passer comme ça. Et puis bon, je veux dire, sur certains sites, au lieu de se fighter comme des gamins par tweet interposé entre rédactions, ça, c'est du temps de perdu à rédiger des petites news sur des jeux indés sympas, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs. Je veux pas être méchant, mais comme d'hab, c'est toujours les mêmes qui font le boulot, quoi. C'est toujours les mêmes qui taffent. De toute façon, ça se voit que c'est des bosseurs chez GK. De toute façon, tu vois, ils ont rien à prouver. Leur site montre. Non, mais je pense qu'il y a des bosseurs chez Gameblog aussi. Il y a des bosseurs chez JV.com. Après, c'est comme tout. C'est à l'image de l'être humain. T'as des personnes sérieuses, t'as des personnes qui font n'importe quoi, t'en as qui sont respectables, d'autres non, comme partout, comme dans le milieu du jeu vidéo aussi, comme ailleurs. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ce que t'as vécu, on peut comprendre la rage. Et puis, comme on disait, je pense que si Romain était avec nous aujourd'hui, non pas qu'il est mort, mais je veux dire, s'il avait participé à l'émission aujourd'hui, je pense qu'il aurait peut-être même été encore deux fois plus virulent que toi. Je pense. Mais un jour, ce serait pas mal de l'inviter. Oui, mais je te l'ai dit, ça ferait qu'on. Ce qui serait sympa, et puis de toute façon, on n'a pas besoin de justifier à chaque fois, non, c'est pas de la pub, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. De toute façon, notre podcast, il est gratuit, donc si les gens, ils n'ont pas envie de l'écouter, ils ne l'écoutent pas. Mais ce serait bien de faire un post-mortem, je pense que ça intéresserait les gens, sur un de. Soit sur Guns of Mercy, ou sur peut-être même Final Fantasy 2, vu qu'il va peut-être sortir sur Switch. Ça pourrait être intéressant de faire un post-mortem pour voir toutes les galères que vous avez traversées. Ouais. Pour porter le projet. Ça, je pense qu'on n'a pas si souvent que ça l'occasion d'entendre ça. Et je pense que ça peut être très intéressant pour les auditeurs. Donc là, on va terminer l'émission puisque. Du coup, c'est à la fin des émissions, à chaque fois. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis oui, alors réagissez. N'hésitez pas à réagir. À partager l'émission, ça, c'est important. Si on fait un podcast, il faut pas non plus être hypocrite, c'est aussi pour être écouté. Mais on est vraiment content vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir Et ceux qui aiment Brocast, quand j'étais donc au salon de Gwen Leblanc, justement, là, en Essonne, il y a 15 jours, j'ai eu des témoignages sur Brocast qui m'ont vraiment fait plaisir, parce que bon, on n'est pas super connus, faut arrêter aussi. Ah, mais oui, c'était vraiment sympa de voir qu'il y en a qui aimaient l'émission et que... Et donc c'était vraiment, voilà, ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous. Donc du coup, bah pour la musique. Voilà, on termine chaque émission en fait en proposant une petite musique, un thème, une grande et belle musique de jeux vidéo pour constituer à terme la liste ultime de Game Music. Je crois que c'était toi la semaine dernière. Oui. Si j'ai pas bêté. Voilà. Donc là, Zelda 2, ouais. Voilà, donc c'est bien mon tour. Donc j'aimerais rendre hommage au génial Keiichi Okabe. Dont le dernier chef-d'œuvre est la bande-son de Nier Automata. Vraiment, vous l'écoutez deux secondes, c'est instantanément culte. Ce mec est un pur génie. Donc, je sais pas, je pense savoir quel morceau là vous mettre du jeu, même si c'est très dur parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Voilà, donc on voulait rendre là hommage à ce compositeur qui est pas encore assez connu, je pense, à part par vraiment des. Une niche et qui mériterait d'être plus starisé que ça. Et puis surtout pour rendre au jeu à cette merveille absolue qu'est Nier Automata. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à très vite pour un épisode 16. Voilà, qui sera, à n'en pas douter, grandiose comme les autres. Et bah jouez bien. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt, ciao. Salut.